J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. La meuf s'est gratté la chatte, mais violent. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel, tous les lundis. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonjour, ouais, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Il s'agit du 14e. Du 14e. Tout bonnement, il a beaucoup de chips dans la bouche. Un numéro un petit peu particulier puisque, à la différence de l'accoutumée, pas sûr de la façon de le dire, un numéro avec uniquement avec moi, Adrien Méniel. Voilà. Bon, bravo. Eh bah oui. Du coup, c'est un peu moins impressionnant en termes d'applaudissements. Peut-être que je rajouterai un bruitage, je sais pas. Parce que là, on dirait vraiment... Une corne de brume de DJ, là. Ah oui, oui. Donc oui, un numéro où je suis seulement avec Adrien Méniel. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que pourquoi pas changer un petit peu la donne. Un épisode un peu particulier aussi, parce que pas spécialement de thème. Je vous ai demandé de poser vos questions sur Twitter, sur CuriousCat, sur tout, sur ce que vous voulez. En soi, vous pouviez aussi venir devant chez moi si vous connaissiez l'adresse. Je vous rappelle que c'est le 35. Attends, j'espère que le Discord n'est pas allumé du coup. Oui, le Discord. Pourquoi ? Oh là là, je fais des liaisons sans le faire exprès. Parce qu'on a ouvert un Discord. Parce que voilà, moi je ne connaissais pas toutes ces bêtises. Je ne suis pas un gamer. Je sais que c'est quelque chose d'assez utilisé par ou les gamers. Harceleur. ou un harceleur également. On peut même être les deux. Donc, oui, c'est vrai donc... que le diagramme de Venn est très, très étroit. Donc voilà, on a ouvert un Discord pour que vous puissiez discuter. Je mettrai un lien avec dans la description de ce podcast. Et donc, vous pouvez discuter entre vous. On a fait plein de catégories. Le flou du Floodcast, où vous pouvez discuter entre vous. Une catégorie idées de thèmes, où vous pouvez proposer des idées de thèmes. Hein, au final, le titre est assez bien choisi. Une partie questions, pour que vous puissiez poser vos questions. Et une partie réactions, pour que vous puissiez réagir au podcast précédent. Et aussi, et c'est un peu la grosse nouveauté, on nous l'a beaucoup demandé un peu partout, quand je croisais des gens en convention ou quand je croisais des gens sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, que parfois, des auditeurs trouveraient ça cool de participer. Donc là, c'est un et peu... Bah, on vous le donne en mille. Écoutez, ce ne sera pas pour cette fois. Si, on va essayer de vous faire participer via ce Discord. On va essayer d'appeler des gens. Donc parmi toutes les catégories que je vous disais tout à l'heure, il y a la catégorie « Je participe » où vous pourrez vous pourrez lever la main, comme si nous étions dans une grande salle de classe, en disant « Moi, je veux participer ». Et nous vous inviterons à discuter avec nous de ce que vous avez envie. Là, sur celui-là, ce sera de ce que vous avez envie parce qu'on n'a pas spécialement de thème. On va surtout répondre à vos questions dans les prochains numéros. L'idée, c'est que vous puissiez réagir selon le thème. Donc, si on parle de lycée, vous pourrez parler de vos années lycée. Si on parle de problèmes familiaux, vous pourrez parler de votre famille, etc., etc. Et encore un petit etc. Donc, Adrien Méniel. Oui. On commence par des questions tout à fait triviales. Je n'ai absolument pas choisi les choses. Donc, Adrien. Oui. Je te vois souvent exhiber ton instrument de musique sur Instagram. Je voulais savoir s'il produisait des choses, si tu produisais des choses, du coup, pardon. Quel était ton rapport à la production musicale, ton intérêt pour la musique de type électronique et quel est ton stuff exactement ? Quel est mon stuff, donc ? Je pense que c'est un petit terme de Zikos électronique, je pense. Alors, mon stuff... Le mec qui bosse à la place de Clichy. Mon stuff est un peu stretch. Ah oui, tu stretches à donf en plus. Un peu flex. Un peu groove et un peu trance. Voir quelques autres adjectifs. Voilà. Non, mais en fait, j'ai aucune notion. Enfin, en gros, moi, la seule notion musicale que j'avais, c'était il y a de ça maintenant, je sais pas, 12 ans, un peu plus même, 15 ans. Bref, j'avais jamais joué d'aucun instrument et j'ai acquis un ukulélé. Donc j'ai appris, je me suis appris à jouer du ukulélé. Combien de meufs pécho depuis ? Une, mais yeah. Je suis avec depuis 12 ans, donc, donc ça marche. Donc bien joué, j'ai donc, envie de te voilà, dire. Acheter un ukulélé, ça s'apprend très vite et les bénéfices s'en font ressortir tout au long de votre vie. Voilà, c'est très très bien, très rentable. Ma mère, quand j'étais enfant, voulait absolument m'apprendre à jouer du piano et moi je disais « Oh non, j'ai pas envie ». Puis en fait, maintenant, je regrette. Et maintenant, c'est un peu tard parce que ma mère est décédée. Donc, elle va avoir beaucoup de mal à me donner des cours elle, de piano. Elle sera moins fière, du coup. Oui, voilà. Puis alors, voilà, pour les cours, ça va être galère. Ça va être plus galère. Et, Et du coup, au début, j'avais acheté donc mes petits instruments qui sont vraiment des sortes de petites boîtes à rythme, même complètement des boîtes à rythme de poche. Donc j'ai acheté ça, je trouvais ça, je m'amusais beaucoup avec parce que c'était vraiment un truc avec lequel tu peux bidouiller et pas nécessairement avoir des notions musicales, mais vraiment en tâtonnant, tu peux arriver à faire des trucs cool. Et puis ça m'a donné envie d'acheter donc ça, c'est les Pocket Operator de la marque Teenage Engineering. Oh, les geekos du son, là, ils se régalent. Oh, là, ils se régalent, ils s'en prennent plein les mirettes. Et ça m'a donné envie d'acheter le OP1 de la marque Teenage Engineering, qui est un petit synthé qui fait donc synthé, analogique et l'autre terme qu'il faut dire, j'ai oublié, mais bref. Musical. Exact. Non, il fait sampler, séquenceur, on peut enregistrer sur 4 pistes différentes, etc. etc. Enfin, c'est vraiment un truc extrêmement complet. C'est vraiment une station de travail où on peut faire un morceau de A à Z dessus et l'enregistrer, etc. Donc je me disais que moi j'aime bien les gadgets, les trucs électroniques, et je me suis dit d'avoir cet objet excitant va me pousser à essayer d'apprendre un peu la théorie musicale, parce que les accords, les trucs comme ça, parce que ce que je connaissais pas du tout. Et effectivement, du coup, je commence à un peu connaître, savoir jouer des accords, etc., faire des morceaux, et je me marre bien avec. Après, je suis pas bon du tout, mais je me marre bien. Et j'ai un SoundCloud où je crois qu'il y a deux morceaux dessus qui sont vraiment pas terribles, mais de temps en temps, quand j'ai un morceau qui a un début et une fin, je le mets dessus. Donc en fait. SoundCloud / Adrien Méniel, voilà. Ok, eh bien, on me demande à moi, mais bon, je t'invite à le faire également, de réagir à la polémique, à l'énorme bad buzz d'Hugo tout seul. Hugo tout seul Qui était pas tout seul pour le coup. Oh là là. Est-ce que tu as tweeté? Bah oui. T'as snipé directement. D'entrée de jeu, il snipe. Oui, Hugo tout seul. Donc, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je me permets d'en parler parce qu'à la base, je voulais pas spécialement en parler parce que je sens qu'il tentait un peu d'étouffer le bordel. Mais bon, il a fait une vidéo pour s'expliquer de ça, donc je pense qu'on peut en parler. Il est allé en vacances à Miami et il s'est filmé alors qu'une stripteaseuse, j'imagine, dansait sur lui. Et elle était du coup nue et il l'a mis sur Snapchat. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé. Lui, il dit que c'est un gars qui a pris son téléphone. La story s'est retrouvée en public. Et moi, en soi, je trouve qu'on s'en balèque, mais genre vraiment de manière folle, parce qu'il a 30 ans maintenant, Hugo, je crois. Oui, je sais pas. Enfin... Et que vraiment, il fait ce qu'il veut de sa life. Moi, je trouve ça même, vu qu'il fait du stand-up, je pense que c'est du très bon matériel de mettre en public story avec une stripteaseuse. Même si j'imagine que pour le moment, bon, voilà, c'est pas forcément très rigolo à vivre. Mais bon, en vrai, avec un peu de recul, je pense qu'il trouvera... tout ce qu'il y a de comique à voir là-dedans. Mais c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi il a dû s'exprimer sur Twitter, pourquoi il s'est senti... j'imagine qu'il a reçu beaucoup de messages pour se sentir obligé de le faire, sinon il aurait... Au début, il en a pas parlé, il a laissé quelques jours avant de réagir. Mais c'est vrai que moi, je voulais juste dire que je comprends pas pourquoi on emmerde ce gars qui fait un peu ce qu'il veut de ses vacances et que, bah oui, enfin les gens sur YouTube ont une sexualité et s'amuse en vacances et voilà, c'est juste lui expliquer que potentiellement c'était peut-être parce qu'il avait une image de gentil gars podcast. Ouais, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi, je pense, des gens qui lui ont dit il y a des enfants qui te suivent et du coup, je pense que c'est vraiment des gens qui voulaient trouver un angle pour lui casser les couilles parce que vraiment, je doute que ce soit des parents qui sont venus, enfin c'est bon. C'est toujours l'excuse de genre, il y a des enfants, hein, tout. Fais, bah ouais, mais en même temps, je veux dire, Internet, c'est Internet, quoi. C'est aux parents de faire gaffe aussi. Les parents doivent faire gaffe. Voilà, si les mômes ont Snapchat, potentiellement, ils peuvent suivre vraiment bien pire que Hugo tout seul. Jérém Star qui se branle déjà. C'est déjà. Donc voilà, oui, moi, tant que c'est des stripteaseuses qui sont pas. Maltraités, qui sont correctement payés, qui font ça de leur plein gré, ouais. et qui tant mieux. Enfin, je veux dire, tant mieux pour tout le monde. Oui, quoi. Bah, de toute façon, elle regarde le téléphone droit dans les yeux. Enfin, elle a l'air c'est pas un truc glauque où elle est filmée à son insu et tout, oui, machin. Visiblement, elle est au courant qu'elle est filmée. Oui, voilà, c'est ça. Donc, à moins qu'Hugo ait menti en disant, écoutez, je suis gynécologue et il faut vraiment vérifier un truc. Il faut que je l'envoie à plein de collègues. Voilà. Mais sinon, voilà. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi les gens étaient un peu véhément vis-à-vis de ça. Mais bon. Écoutez, voilà. Je pense que ça va très vite. Ça va très vite disparaître. S'étouffer. Moi, je lui ai envoyé un petit message et je lui ai dit, écoute, je pense que la meilleure chose à faire maintenant, c'est une blackface. Comme ça, voilà, les gens passeront à autre chose. Les gens sont complètement sur. Combattre le feu par le feu. Toujours. Voilà, c'est toujours ça qu'il faut faire. Faut mettre du sel sur une blessure, ça cicatrise plus vite. Autre question. Adrien Méniel, comment se fait-il que ton niveau en blind test musical soit aussi grand? Alors, on revient sur le féru de musique, j'ai l'impression que c'est une constante. Ouais, non, mais je ne sais pas. Parce que je suis pas. J'écoute pas. Enfin, je sais pas, en vrai. Je sais pas comment expliquer. En plus, t'es moins bon sur les trucs récents. En vrai, on peut le dire. Ah, non, mais oui. Bah, quand c'est des morceaux que je connais pas, forcément, oui, voilà. je suis moins bon, quoi. Je n'ai pas encore la capacité à deviner. Sorti du néant total. Mais l'expliquer. Enfin, de toute façon. Non, je sais pas. Bah, je dois avoir un cerveau qui fonctionne comme ça, qui emmagasine plein de trucs. Et voilà. Mais si un jour j'ai un docteur qui m'explique, je viendrai vous dire pourquoi. Eh bah, écoute, voilà. Ils peuvent réagir sur le Discord. T'as vu, je l'ai replacé assez intelligemment. Discord. Discord. J'ai découvert l'existence de ce logiciel il y a une heure et demie. salut. Avez-vous pensé à filmer les floodcasts pour ensuite mettre une version vidéo sur YouTube? Certaines émissions radio le font. Avoir visuellement vos réactions pourrait être un plus. Bise. Eh bien, bise à toi. Déjà. Moi, je suis pas à l'aise avec la vidéo de base. T'as bien choisi ton métier, du coup. <C'était> cool. Non, mais voilà, me montrer en vidéo encore sur un podcast où on est vraiment chez moi à l'arrache totale avec des micros sur ma table de salon. Il y a aussi le côté, il y aurait beaucoup de plus, encore plus de travail en fait. Là, le côté hebdo du floodcast, c'est assez, ça prend vite du temps en fait. Donc, d'essayer de rester hebdomadaire en étant audio, donc en étant vidéo, je pense que c'est pas viable du tout. Et je suis pas certain que ça apporte que ce soit vraiment un plus. Moi, c'est ce que j'allais dire. Je pense que ça serait vraiment chiant à regarder quoi. C'est sûr qu'on est assis autour d'une table. On se regarde parler, on bouge pas quoi. Ce serait vraiment chiant. Pas la nuit originale où t'as 50 personnes et donc du coup t'as toujours un truc qui se passe en fond. Ouais, et puis voilà. On est 8 autour d'un micro et que du coup ça aide un peu de voir qui parle au même moment pour que tu devines un peu les voix. Ouais. Là on est max 5. Bon, je pense que ça va, c'est encore compréhensible. Et puis la nuit originale c'est en direct donc c'est pas tellement plus d'implication de foutre des caméras parce qu'il n'y a pas de montage. Exactement. Tandis que là, ce serait chiant. Et puis les gens sont plus à l'aise, j'ai l'impression. Non, c'est ça, ouais. Moi, je pense qu'il faut quand même limiter tous les trucs qui peuvent être un peu contraignants pour les invités et pour nous, en fait. En vrai aussi, le fait de pas être en direct, ça libère pas mal. La parole. Le fait de pas être filmé, ça l'est aussi. Et puis, je sais pas, ouais. Puis moi, j'aime bien le côté juste audio. Enfin, moi, j'adore les podcasts, j'en écoute vraiment plein. Et je sais pas, je trouve ça cool de penser un truc parce qu'en plus forcément peut-être que il y aurait des trucs qu'on pourrait plus faire parce que c'est filmé, tu vois, j'en sais rien, j'ai pas d'exemple là, mais et moi j'aime bien le côté vraiment juste audio, voilà, une émission juste audio, ça, en plus ça change de, parce qu'on est dans une société la vidéo est partout, on est le monopole de l'image, c'est pas le monopole, c'est pas le mot que je voulais dire. L'an prochain, t'es aux grandes gueules d'RTL. Voilà, RMC, la griffe de l'image qui nous oppresse. Voilà, et bien on s'en libère. La moitié gauche de mon visage. Non, et pour plus. Je salive. Mon visage cool, tout à fait. Voilà, comme j'ai rien d'autre à rajouter de ce que dit Adrien, et puis en plus, je sais pas, c'est notre petite. Enfin, en tout cas, moi je l'ai comme ça, je sais pas, c'est notre petit truc de liberté, ce podcast audio, et refoutre du visuel là-dedans ne m'intéresse absolument pas du tout. Adrien et Flaubert, racontez-nous votre première rencontre. Alors, la toute première. Ah, tu l'as ? C'est Karate Boy ou c'est avant ? C'est Karate Boy. C'est Karate Boy saison 2. Bah, vas-y, tu veux. Non, vas-y. Non, toi raconte, Adrien. Allez. Toi raconte. Ok. C'est génial que les coupes ce soit ça. Oui, bah de toute façon tu racontes mal. Donc, Et non, mais bah en fait, moi, j'ai. Mais tu pourras raconter ta version. Mais moi, je. Dans la mienne, je suis à poil déjà. Je sais pas si. Ouais, mais non, ça, c'est Jérém Star, ça. Ah oui, pardon, je confonds pardon. À chaque fois. C'était l'époque où Monsieur Poulpe m'appelait pour des projets. donc, il tournait. C'était l'épisode final, non, de Karate Boy, ouais, ou l'avant-dernier. La saison 2, je crois, ouais. Et il m'avait dit, est-ce que tu voudrais venir faire de la figuration dans un truc ? J'avais pas trop de détails. Il m'avait dit, ouais, il y aura plein de gens, machin, etc. Donc j'avais dit, ok. C'était donc la réunion des méchants, je crois, la scène. Et donc il y avait, je jouais le frère siamois de Raphaël Descraques dans ça, ce truc. Exactement. Et donc parmi les méchants, alors tu étais déguisé en Jacob Delafont, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, Jacob Delafont. Et du coup, j'étais un rabbin avec également à moitié des chiottes. Tu avais une lunette de chiottes autour du cou, il me semble. C'est ça. Et une brosse à chiottes dans la main. Voilà. Et d'ailleurs, voilà. Pourquoi d'ailleurs Jacob. Mais pourquoi Jacob ? Parce que j'avais pas grand chose de juif. Donc je comprends pas pourquoi je m'appelais Jacob. Mais oui, voilà, c'était ça. J'avais pu créer mon personnage. Avec Davy et Poulpe. Voilà, donc tu vois. Mais en vrai, on ne s'était pas tellement parlé. Qu'on s'était vu à ce moment-là. Quoi. Juste, j'avais vu un petit genou avec un gamin. Une lunette de chiottes. Je fais bon, bah voilà. Ouais, quelqu'un de top, en tout cas. Non, mais c'est vrai que moi, je connaissais pas grand monde. Même Raph, je ne le connaissais pas à l'époque. Non, il y avait Poulpe et Davy, quoi. Voilà, Poulpe et Davy. Il y avait Justine aussi. Il y avait Justine que je connaissais pas non plus. On connaissait pas non plus. Enfin, moi, de mon côté, je rencontrais tous ces gens-là, dont Raph, avec qui du coup on a fait sur le cadre derrière. Enfin, c'est un peu le rendez-vous de tous ces gens d'internet qui après, on s'est tous un peu recroisés. Il y avait des gens du comité de la claque aussi, oui, je crois. Il y avait c'est Pierre Philippe de Beck, non, je sais plus, qui travaille à Topito maintenant. Mais voilà, oui, c'est ça. Mais il y avait plein de gens et c'était j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans, mais voilà, Karate Boy, une série qui nous a vite quittés, mais est-ce qu'on s'est revu avant Super Hero's Hangover? Non, je pense qu'on discutait un peu par Twitter et trucs, parce que moi je kiffais, enfin je pense que j'ai dû retweeter du Vine ou des trucs comme ça. Ouais. C'est juste que j'avais très peu de followers, donc peut-être ça se voyait pas des masses, mais je retweetais des Vines de toi. Et oui, après il y a eu Super Hero's Hangover, mais comment on est arrivé à Super Hangover, je sais pas. Peut-être on s'est croisé à des Golden Shows sur une péniche aussi à l'époque. Ah, peut-être, oui, je t'avais. Ouais, peut-être. mais je pense pas qu'on avait parlé. Non, je sais pas du tout. Franchement. Voilà. Mais du coup, voilà, on a pas arrêté de se croiser dans des trucs un peu similaires. C'est un peu une comédie romantique, ce truc. J'ai c'est un petit peu ça. Bah oui, moi j'étais là quand François a monté aussi dans la peau de Katsudi dans lequel tu joues. Oui. Donc voilà, au final, on était pas loin les uns des autres. Et puis après, bon, bah. Golden Moustache, La Grande Aventure, Floodcast, et puis des séries qui ne sortiront jamais. Donc, tu vois, au final, des sketch shows avortés, tout ça. Comment fait-on... Alors non, pardon, celle-là n'est pas très bien. C'est une recette de cuisine. Comment fait-on une cassonade? Et du coup, je n'ai pas la réponse. Tac, tac. Toutes ces onomatopées, je les couperai au montage, hein, bien sûr. Je fais une musique d'attente. Ouais, vas-y, pas de soucis, je vais rapper dessus. Olé. Olé. Bon, j'arrête. Ça a été très très vite. Bon, il y a des questions un peu deep, mais peut-être ça va nous lancer dans quelque chose d'intéressant. Adrien Méniel, alors c'est quelqu'un Adrien, qui déjà fait ton question, t'affiche outre l'écriture. Qu'est-ce qui alors d'accord, c'est pourquoi d'ailleurs on sait pas, peut-être que je pourrais te poser la question dans ce qui t'a motivé à devenir scénariste, mais là on te demande qu'est-ce qui t'a motivé à devenir comédien. Ben en fait c'est ce que je disais dans l'excellent podcast Nouvelle École de Antonin Archer. Que je vous recommande d'ailleurs au passage. On l'a déjà recommandé, je crois. Puis il a pas besoin de nous, il fait vraiment énormément d'audience. ouais, mais on sait jamais. Non, mais oui, c'est sûr. Si vous connaissez pas, allez jeter une oreille. Et non, c'est que moi, jamais je m'étais dit que c'était accessible, même pour moi. Pour moi, le métier de comédien, c'était vraiment. Ça faisait partie d'une sphère qui était complètement extérieure à la mienne. Donc j'étais déjà assez content de rejoindre Golden Moustache en tant que qu'auteur. Et puis en fait, quand tu... En tout cas à l'époque, mais même encore maintenant, à Golden Moustache, quand tu arrives en tant qu'auteur, on te laisse la possibilité de jouer, voire même de réaliser tes sketchs. Du coup, je me suis mis à jouer la comédie comme ça, c'est-à-dire en jouant dans les sketchs que j'avais écrits, quoi. Et puis, moi, ça m'a toujours plu de faire le, je veux dire faire le con, mais de. Oui, de, non, ça va. Personne ne juge. Non, mais faire le con ou, bref, jouer, quoi, qui, jouer, voilà. Ouais, voilà. Même si c'est devant mon miroir ou avec mes potes. Et puis, jamais je m'étais dit que ça pourrait être mon métier. Et puis, par la force des choses, par le fait que je l'ai fait, et puis on m'a dit « Ah, c'est pas mal !» Et puis après, je l'ai refait, et puis on m'a dit « Ah, c'est mieux !» Et puis « Ah, c'est bien !» Et puis « Ah, est-ce que tu veux jouer dans tel et tel truc ?» Et du coup, petit à petit, c'est devenu en partie mon métier. Mais en gros, moi, jamais je m'étais dit « Bah, je vais faire ça, quoi !» Jamais j'aurais pu penser que ce serait mon métier, quoi. Et d'ailleurs, c'est vraiment une petite partie de mon métier. Je joue pas. Enfin, bon, j'ai quand même joué dans une série. Oui. Voilà. Puis on t'a vu au cinéma quand même. Même si des petits rôles, mais on t'a quand même vu au cinéma plus que plein d'acteurs qui aimeraient être dans des films de cinéma. Oui. Ouais. Mais donc, je suis évidemment ravi. Hein. Je crache absolument pas dans la soupe, mais. Il y a pas de soupe. Si j'ai mangé une soupe. Il y a une soupe là. Je l'ai mangée, mais Donc voilà, mais donc tu vas pas cracher dans le Il faudrait que je me fasse régurgiter la soupe. Fais-toi vomir que j'ai mangé et que je crache dedans. Ouais, voilà. Ce serait immonde. Ouais, ce serait immonde. Si techniquement quand je régurgite, je crache un peu. Oui. Je ferai les deux en même temps. Ouais, d'accord. Tout ça, une longue, très longue réponse pour dire que jamais je n'aurais, il y a rien qui m'a motivé à le faire parce que c'est vraiment venu par hasard, quoi. Pourriez-vous nous dire quel est pour vous... Non mec, laisse-moi. Je veux pas le dire. Dis-le. Ok. Dis-le, je te rappelle. Faut pas hurler en plus. Je rappelle que mon voisin est un sale con. Mais oui. Mon voisin. Allez, petite aparté sur mon gros con de voisin. J'ai un voisin. Je suis dans un immeuble parisien, haussmannien, où le plafond et le sol sont assez fins. Et donc, du coup... quand on entend les gens marcher au-dessus, quoi. Et ce qui est normal pour un appart que je paye ce prix-là. Mais bon, bref. Et donc, mon voisin du dessous n'aime pas trop que je marche dans mon appartement. Et même la dernière fois... Et donc, du coup, en fait, il est venu me voir en vrai. Enfin, il avait frappé à ma porte, il m'a réveillé un matin, je lui ai ouvert en calbute. Donc déjà, ça a créé une espèce d'ambiance entre lui et moi. Et après, je lui ai fait... Enfin, il me dit, c'était vous. Donc, je fais, quoi? C'était vous cette nuit? Je fais quoi cette nuit? Non, je sais pas. La baise. Qui a fait jouir? Ah non, c'est pas moi, non. Ah non. Ah, oh là là. Frappez la mauvaise porte, monsieur. C'est très mal me connaître. Non, il me dit, c'était vous qui avez marché. Donc je fais, alors ça a pu m'arriver. Et je lui explique que selon mon métier, mon métier fait que des fois la nuit, oui, je me balade dans mon appart, mais il fait oui, parce que moi je me réveille le matin, donc la nuit c'est un peu embêtant. Donc je lui ai dit, écoutez, s'il y a des nuits, je vous embête, laissez un mot sous ma porte. Que n'avais-je pas dit, puisque depuis, j'ai régulièrement des petits mots sous ma porte. Et là, le problème, c'est qu'il se sent de plus en plus pousser des ailes. Il ne me parle pas du tout. Ouais, enfin, il prend la confiance. Là, il a pris une confiance assez folle, où il se fait des petites... il met des petits tacles, quoi. Il s'améliore en tant qu'auteur, quoi. Il snipe, tout simplement. Récemment, il m'a fait... Oui, bravo pour l'entrée fracassante à 1h22 et en plus voilà, c'est des horaires, je vous parle d'une heure du mat, c'est pas un truc genre 6h du matin j'arrive bourré chez moi et j'hurle dans mon salon, je suis vraiment juste, je marche en fait, en chaussettes en plus, donc tout ça pour dire que si mon voisin écoute ce podcast, je chie dans sa boîte aux lettres, voilà. Et d'ailleurs, vraiment s'il gueule parce que j'ai crié à 21h45 vraiment qu'il a niqué sa rage, quoi. Le droit de hurler. Je ne chie pas dans sa boîte aux lettres, je fais un truc beaucoup plus minable. Je mets mes pubs dans la sienne. Voilà, la petite vengeance, un peu faible. Adrien, donc la question à la base, avant que tu hurles, était quel est pour toi, enfin la question est pour nous deux, mais nous deux. J'ai envie de commencer avec toi, okay. Le sketch que tu as réalisé et qui te rend le plus fier. Le plus fier. Pardon, je crois que t'as roté. Je crois tout. Que ça s'est entendu. Je suis non, pas sûr. Non, t'inquiète. Je pense défense personnelle, c'est le truc que je dis tout le temps, mais en fait j'en suis fier parce que sur le papier c'était pas forcément il arrivait quand même après une. Enfin, en gros, le public de Golden Moustache avait été, disons, élevé au sketch sur ICAT, où, qui était quand même beaucoup de trucs genre on essaie de faire des trucs un peu fat, on essaie de faire des trucs un peu avec de la ref, etc. Et enfin pas tous hein, bien sûr, mais il y avait non, il y avait il y avait quand même il y avait l'esprit un peu on veut faire des trucs fat et très et ou très cinématographique et enfin des trucs très voilà et du coup c'était pas évident déjà l'idée en termes d'humour était déjà assez différente de ce qui s'était fait avant sur Golden Moustache. Parce que c'est pas vraiment du gag, mais c'est plutôt d'une espèce de malaise de situation. Il y a du grotesque, etc., mais c'est assez différent. Et puis, en termes de visuel, c'est vraiment. Ça n'a rien à voir avec. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment très. Enfin, c'est volontairement dégueulasse, bien sûr, mais ça parodie un espèce de style amateur. Enfin, c'était vraiment sur plein de points très différent de ce qui s'était fait avant sur Golden Moustache. Mais moi, j'y croyais parce que ça me faisait beaucoup rire. Et ça faisait beaucoup rire les gens à qui je le faisais lire, notamment Vincent Tirel, qui m'a gratifié d'un... qui, ça, c'est pour dire qu'il est partant pour jouer dedans. C'est une approbation. Et voilà. Et en fait, le truc, c'est que ben, le sketch n'a pas marché sur Golden Moustache en termes de vues, en termes de commentaires, en termes de pouces. Tout était. C'est mon sketch qui a le moins bien marché de tous les sketchs que j'ai fait. Mais au final, c'est sans doute celui dont on me parle le plus. C'est celui que les gens. Déjà, les gens dont j'estime la vie me parlent le plus en me disant putain, ça c'était vraiment trop marrant ce sketch et tout. Ce qui me conforte, moi, dans l'idée que voilà, moi je trouvais ça drôle. Et les gens que je trouve drôle le trouvent drôle aussi, donc ça me conforte là, dans mon choix. Et puis bah voilà, et aussi parce que bah c'est un sketch où il y a peu de moyens et au final je le trouve drôle, donc c'était aussi une école. Bon, c'est une école de la démerde. J'ai pas envie de pas envie d'aller par quatre chemins. L'école de la démerde. Non, et puis mine de rien, ce petit sketch à la con, c'est grâce à ça que j'ai joué dans le film du Palmachot avec Vincent, quoi, parce que Jonathan Barré et Greg scène, et David, réalisateur voilà, historique du Palmachot, et Greg et David ont vraiment kiffé ce sketch, et c'est grâce à ça que voilà, avec Vincent, on a refait un duo dans le film, quoi, avoir un petit rôle au cinéma, quoi. Donc même si ça manquait de karaté, du coup. Si je peux me permettre un léger avis Ils ont coupé tous mes mawashigiri au montage. Moult mawashigiri ont été coupés. Et la phrase "Mais quel est le rapport" a été prononcée pendant le tournage, quoi. Quel est le rapport avec les résistants? Je sais pas, peut-être le mec peut faire. On va la gagner cette guerre. Tu viens de faire un geste de karaté. Voilà. Mais je pense qu'on l'a, peut-être le vent. On a peut-être entendu le vent dans le micro. C'est possible. Voilà, donc je pense que c'est celui-là. D'accord. Eh bien moi, à titre personnel, c'est un peu comme toi. C'est celui qui a le moins marché, puisque c'est. J'aime beaucoup le dernier que j'ai fait sur Internet, Flashback Museum. Je sais pas. Je trouve. Enfin, c'était un sketch que je voulais. Enfin, même un court métrage que je voulais faire qui justement dénote un peu de ce côté, on en envoie plein la gueule et tout. Je voulais faire un truc plus posé, un peu plus épuré. Moi, je suis fan de metteurs en scène comme Richard Linklater, et bon, je me mets évidemment pas au niveau de ce mec, mais j'aime son style épuré, justement. Donc non, j'aime beaucoup ça, et en plus, on sortait d'une... Est-ce qu'on était même en plein milieu ? Non, on sortait d'une année bagel avec Adrien, et moi, il faut savoir que pour le tour du bagel, j'ai écrit, je crois, une quarantaine de sketchs, soit beaucoup en termes de chiffres et des sketchs un petit peu plus bah voilà enfin comment dire j'aime pas ce mot mais efficace quoi enfin en tout cas qui vont directement dans la blague et qu'on le comme seul et unique but de faire rire avant de raconter une histoire ou avant de créer d'autres émotions que le rire donc du coup j'étais enfin le Flashback Museum c'est en plus c'est un truc que je traînais depuis longtemps je l'avais pitché à Golden Moustache à l'époque quand je voulais le faire mais il coûtait trop cher bizarrement parce qu'il faisait, il était un peu long, il faisait 10 minutes, et voilà. Et je suis content d'avoir attendu, parce que je trouve qu'il a une résonance d'autant plus particulière maintenant, par rapport à l'époque où la nostalgie est un petit peu partout, omniprésente. Et du coup, je trouve que ça avait du sens de le sortir à ce moment-là. Donc voilà, je suis très, très heureux d'avoir pu le faire et je remercie Mathieu Marot qui était en charge de Studio Bagel, de Studio Movie pardon, à l'époque, je crois, peut-être qu'il l'est plus, je crois qu'il l'est plus, et de m'avoir permis de faire ça et puis toutes les équipes qui ont travaillé dessus, que ce soit Nathan, Florent, Louise, voilà tous les comédiens, toute l'équipe technique, parce qu'on a fait ça très vite et on a fait ça avec des comédiens en plus que j'aime de tout mon cœur, avec que j'avais déjà fait tourner et que j'étais trop heureux de retrouver, que ce soit Aude, Simon ou Benoît, Jacques, enfin tous ces gens. Et donc voilà, donc, j'aime beaucoup Flashback Museum, il a, en plus je crois qu'il a 200 000 vues, donc tu vois pour le coup c'est vraiment un truc peu vu. Ouais, bah, c'est Studio Movie, c'est une plus petite chaîne, et puis il a pas, enfin encore une fois il avait pas la vocation de faire des millions de vues de toute façon, mais c'est cool en tout cas si des gens vont le voir, parce que moi j'en suis content en tout cas, et puis il a un rythme un peu plus posé, et voilà, ça j'aime bien, donc voilà. J'ai lu une question qui demandait s'il y avait des projets que nous avions écrits qui n'avaient jamais vu le jour, et je me suis dit, eh bien, et si... on ne profitait pas de ce podcast pour justement vous lire quelques textes avortés qui n'ont pas eu, qui n'ont pas pu sortir et où on s'est dit que potentiellement on les ferait peut-être jamais, ou même si on les fait, on compte sur vous pour pas nous les voler comme des bâtards. Ce serait vraiment pas très sympathique de votre part. Et donc ouais, moi j'avais des textes que je voulais lire avec Adrien. T'as ton iPad, Adrien, pour les lire avec moi ? Yes, I. Donc ouais, là, on va commencer avec des textes que j'avais écrits pour un sketch show. Pour la chaîne W9, pour Golden Moustache, c'était un sketch show où j'étais directeur d'écriture. Et malheureusement, pour vous donner toutes les, comment dire, les dessous de ce qui peut se passer pendant la création d'une émission. Donc, le premier sketch show de Golden Moustache sort. C'est, pour mémoire, c'est un sketch show qu'on avait créé avec Julien Josselin et Adrien, qui avait été réalisé par Vladimir Rodionov, pardon, et qu'on avait fait avec plein de copains. Et les audiences sont sympas. C'est pas la grosse folie, mais les audiences sont sympas. Derrière ça, W9 commande un autre sketch show à Golden Moustache qui décide de faire un truc un petit peu plus télé-friendly. Nous, c'est vrai qu'avec Adrien, on ne s'y retrouve pas forcément sur celui-ci, donc on a juste écrit avec Julien Josselin des mecs qu'on n'écoute jamais. Ouais. C'était dans cette émission où il y avait celui sur Interstellar, Robocop et Batman. Bikini, ouais. Hein, ouais, c'est ça, non, et Whiplash. Et Whiplash, oui, qui est très court, mais qui est, ouais. Moi j'aime bien. et du coup, après ce sketch show-là, Golden Moustache est venu me voir en disant est-ce que. Enfin, non, même moi d'ailleurs, je suis venu les voir en disant je veux bien faire le troisième, être directeur d'écriture du troisième. Golden Moustache était chaud, donc on a commencé à travailler. Et malheureusement, le deuxième sketch show est sorti et a fait. Enfin, n'a pas fonctionné comme ils l'espéraient. Et du coup, ils ont arrêté. Ils n'ont pas voulu faire un troisième sketch show dans ce cadre-là. Et ont fait une toute autre émission. Et c'était, je crois, l'émission de Elise Moon qui jouait un candidat à la présidentielle. Et c'était McFly qui était directeur d'écriture à l'époque de ce projet-là. Et donc, un truc complètement différent. Puisque nous, à la base, on voulait faire un sketch show comme le premier presque. Enfin, comme un sketch show comme on l'entend en tout cas. Mais du coup, on avait travaillé avec pas mal d'auteurs. Alors, je vais citer leurs noms. Dis-moi. Oui, non, mais je sais pas si tu l'as dit, mais en fait, le truc était écrit intégralement, quoi. Le sketch show. Le sketch show était écrit. On l'a écrit intégralement et il a été annulé alors qu'on avait déjà commencé la production. Ouais, on avait fait quelques petites réunions. Et puis d'ailleurs, de ce sketch show, au final, on en a quand même tourné un qui était Name of Thrones que tu avais écrit. Ouais. Et au final, on l'a fait pour YouTube, donc c'était cool. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était. Un des sketchs de l'émission, puisque moi je voulais faire une émission télé quand même, donc qui était des sketchs qui parodiaient un peu ce que je regarde moi à la télé. Donc on avait une parodie de The Walking Dead qui avait été écrite par Valentin Vincent et Robinson Latour. Il y avait une parodie comme tu l'as dit, de Game of Thrones qui a été faite par Adrien. On avait écrit de nouveaux mecs qu'on n'écoute jamais. Et parmi tous ces sketchs, il y en avait une quinzaine, parce que l'idée aussi c'était de rediffuser d'autres sketchs de Golden Moustache comme on a toujours fait. Il y avait donc du coup des sketchs inédits, dont un qu'on va vous lire, qui s'appelait « Faites entrer la petite beauté ».« Faites entrer ma petite beauté ». Donc « Faites entrer ma petite beauté », en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez du sketch que tu avais écrit d'ailleurs, Adrien, je crois, avec Julien Pestel, Au cœur du crime, c'est au ça Au cœur du crime, ouais. Qui était un sketch, comment le résumer en 2-2, Adrien, toi tu y arriveras peut-être mieux que moi. Au cœur du crime, c'était une parodie des émissions qui reconstituent des crimes réels, comme par exemple, je sais plus les noms, mais le truc fait de entrer l'accusé, Faites entrer l'accusé. Et, crime de Morandini. Voilà, et en fait le truc c'est que, Le constat était que ces émissions devenaient de plus en plus racoleuses et de plus en plus plus sur le sensationnel et à vouloir montrer des gens qui pleurent et montrer des gens choqué par la mort des gens et moins axé sur la narration et l'histoire, quoi. Complètement. Et du coup, je m'étais dit, en poussant le curseur à fond, ça pourrait être un présentateur qui carrément crée un meurtre en direct pour pouvoir le commenter. Et donc voilà, c'était ça, c'était le présentateur qui arrivait dans un lieu où personne n'était au courant qu'il allait se produire un crime, et il poussait les gens à s'entretuer pour pouvoir commenter à la manière de ces émissions-là. Et c'est vrai que nous, on était complètement tombés fous amoureux de Pestel dans ce rôle-là. Bah, enfin, oui. Il tient le sketch. On était déjà amoureux de lui. On était déjà amoureux de lui bien avant. Il est déjà venu d'ailleurs plusieurs fois dans Footcast, deux fois. Et puis on l'a fait jouer dans plein de trucs. Et enfin voilà, on l'aime de tout notre cœur. Très bon enculeur. Ah bah, passage. Non, mais rappelons-le. Un des meilleurs enculeurs de la place de Paris, c'est clair et net. Et donc, on avait écrit. J'avais écrit d'ailleurs un sketch qui n'est pas du tout au cœur du crime 2. Enfin, c'était, je reprenais pas l'idée d'Adrien et tout. C'était juste que Pestel jouait à peu près le même journaliste avec ce ton très journalistique qu'il tient très bien. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se le lise. Alors, c'est un exercice assez particulier. Forcément, ça sonnera moins bien qu'un sketch Golden Moustache, comme vous pouvez le voir sur internet ou à la télé. Mais je me dis, peut-être c'est une petite porte qu'on peut vous ouvrir. Il y a des gens dans cette émission qui nous ont posé plein de questions sur l'écriture. Et je me dis, on peut peut-être vous lire à quoi ressemblait un sketch à l'état de script. Comme c'est lu dans la salle des auteurs, voilà, à l'étape de l'écriture, c'est comme ça que ça se passe pour se faire une idée du sketch, quoi. Jingle aux portes du crime. Un journaliste, Julien Pestel, marche devant un bâtiment. Bonjour et bienvenue dans Aux portes du crime. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la terrible histoire de ces 14 collègues de bureau. 14 collègues de bureau qui ont vécu un véritable calvaire de plus de 6 ans, orchestré par un dangereux psychopathe. Séquence 2, intérieur jour bureau, une jeune femme témoigne à la caméra. Au début, on s'en est pas rendu compte et puis petit à petit... La jeune fille éclate totalement en sanglots. Bureau numéro 2, un homme plus vieux témoigne à son tour. C'est un fou, c'est un malade mental. Le journaliste marche dans un couloir. Nous sommes dans les bureaux de la maison de production dans laquelle a eu lieu le drame. C'est ici qu'un patron sadique a torturé sans retenue ses employés du lundi au vendredi. Un jeune homme témoigne dans le bureau numéro 3, le journaliste. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? On était autour de la table, on faisait l'émission normale, on critiquait la chemise de Denis Brognard dans le dernier Koh-Lanta, et là, il a vidé une boîte de ravioli dans mon slip. On voit des flashs sur une boîte de conserve de ravioli au sol, la sauce rappelle du sang. Le slip de Mathieu D. ne sera pas la seule victime. Au total, c'est plus de 12 slips, 34 robes et 43 costards qui seront ruinés par des raviolis, de la béchamel ou de la crème fraîche. Mais ce n'est pas tout. Un soir, il m'a frappé avec un calamar. Pendant ma chronique, il m'a fait faire une queue leu-leu et a renversé un bol de purée sur ma tête en chantant du Kenji. Il m'a déguisé en livreur de pizza et il m'a forcé à embrasser un rappeur qui m'a frappé au visage. Moi, c'est encore pire, il m'a fait regarder le grand journal, celui avec Maïtena, là. Le mec a pas de cœur, quoi. Retour sur le journaliste qui continue de marcher dans un couloir. Mais à quel moment l'acceptable a laissé place à l'inacceptable? Comment ces exécutions dignes des plus grands masterminds ont pu avoir lieu à une heure de grande écoute? Pourquoi les victimes ne se sont jamais plaintes nulle part? Il m'a fait gagner 300 000 followers sur Twitter, quand même. Pas mal, quand même. Retour sur le journaliste debout devant l'ascenseur. Pour comprendre un peu plus les circonstances de cette affaire, nous sommes allés directement dénicher le coupable de ces actes. Après une enquête de près de 18 minutes, nous l'avons retrouvé dans son bureau, à l'étage du dessous. Le journaliste pousse une porte et on voit un mec de dos danser sur du Patrick Sébastien. Entre parenthèses, prout prout les couilles, son visage est mosaïqué. Ah mon chéri, comment ça va? Cyril fait une accolade au journaliste qui sait plus trop où se mettre. Oh il est beau, regarde-le, la vie de ma mère, on dirait le témoin de mariage de ton Jackie. Monsieur Cyril, pouvez-vous répondre à mes questions? Des chroniqueurs ont été maltraités. Hé, mon chéri, c'est que de la télé! C'est rien, ça en fait marrer les gens! Tu veux faire partie de l'émission, mon frérot? Monsieur Cyril, je suis journaliste d'investigation depuis plus de 10 ans. Et alors, Jean-Michel, il a couvert la guerre du Kosovo, ça l'empêche pas de se foutre en string quand je lui demande? Tu veux pas être une star? Le journaliste ne dit rien et fait un regard cam. Séquence 10, extérieur jour, rue devant bâtiment. Le journaliste a une bouée de canard, une perruque afro et des lunettes étoiles. Il garde son ton journalistique. C'est la fin de Aux portes du crime. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à cet homme qui, chaque vendredi, enferme des humoristes dans un décor penché. Bonne soirée. Le journaliste prend un saut de béchamel. Cyril arrive dans le champ, mort de rire. Voilà. Alors, c'est, bon, du coup, c'est un sketch qu'il faut mettre dans son contexte. À l'époque, bon, le grand journal de Mike Tena, ça avait du sens. Ouais. Les slips, la sauce dans le slip de Delormeau, ça avait du sens. Je me suis dit que j'allais le lire parce qu'en fait, de toute façon, maintenant, il est très daté ce sketch. Et puis, même en vrai, Hanouna, il s'est calmé, donc ça a plus trop de sens de le faire aujourd'hui. Enfin, je dis ça, peut-être que d'ici la diffusion, il aura foutu le feu à un gars, mais là, ça fait quand même des mois qu'on n'entend plus trop parler de lui. Et en plus, tout ça, c'était avant aussi qu'il fasse ce canular où il s'est inscrit sur un truc de rencontre gay. Donc, c'est vraiment un truc de l'époque, quoi, où le pire qu'il avait fait, c'était renverser de la sauce dans un slip. C'est vrai qu'on avait plutôt des sketchs, très télé, en fait. Et toi, Adrien, du coup, t'avais écrit un sketch, pardon, qui était beaucoup moins télé, en fait, qui était un peu plus un sketch de situation. Plus, à la limite, parodie de code ciné, quoi. Mais en fait, pour le coup, ça, c'était un des sketchs que j'avais écrit à ma première année à Golden Moustache. D'accord. Qui avait jamais été tourné. Et à chaque fois, on disait, ah, mais faut le faire. Moi, je commençais à me dire, bon, on le fera jamais, et puis c'est pas grave. Et puis là, on m'a dit, ben voilà, on a qu'à le mettre dans le sketch show. Donc j'ai dit, bah ouais, grave, carrément. Et puis le sketch show, c'est pas fait. Bah ouais. Donc, j'aurais aimé qu'il soit dans ce sketch show. Là, bon, bah voilà, lisons-le. En fait, c'est un sketch, pour mettre un peu le contexte, c'est un sketch sur les méchants de films, sur les clichés de. Un peu de confrontation entre les gentils, le gentil et le méchant dans les films d'action. Et c'est un peu des parodies de scènes très précises et iconiques de différents films d'action. Et donc c'est un sketch qui est en trois parties parce que c'est trois méchants différents. Voilà, et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que ce que moi en tant que directeur d'écriture j'aimais en plus, c'est que moi je suis fan des sketchs où t'as une première partie, puis après tu revois un autre sketch, ouais. Et tu sens qu'il répond au sketch que t'as vu il y a déjà 15 minutes, voire 20 minutes, et ouais. Moi j'adore ce genre de mécanique dans les sketchs au télé, donc c'était d'autant mieux, et puis en plus, enfin moi j'aime beaucoup ce texte. Voilà, et donc là on va lire juste le texte d'un méchant voilà. qui s'appelle L'Anecdote. Un type, Farson, est attaché à une chaise, le visage abîmé. Il se prend une énième droite au visage par un homme de main. Il saigne de la bouche. Kerrigan, le méchant, se trouve en face de lui. Kerrigan. C'est regrettable ce silence, monsieur Farson. En attendant que votre langue se délie, laissez-moi vous raconter une histoire. La musique commence. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon ? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40€ remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. C'était le soir de Noël, dans ma petite bourgade du Minnesota. Mon grand-père était assis sur le porche. Sur le porche en plein hiver, dans le Minnesota. Bah dis donc, il était pas frileux hein, votre grand-père. Oui bah il avait un pull. Oui bah même avec un pull. Oui bah il avait un gros pull et un plaid, d'accord ? L'homme de main fait une moue dubitative. Bon, donc mon grand-père me dit « Dylan, tu dois partir d'ici si tu veux accomplir ton destin. » Alors, j'ai couru jusqu'à l'aéroport. 3 heures après, j'atterrissais à Rio de Janeiro. Le soleil... 3 heures après, vous étiez à Rio ? Non mais rien que le trajet en avion, ça prend au moins 4 heures. Et je compte même pas l'enregistrement à l'aéroport. Mais, hein. Bah bon, bah c'est moi qui raconte ou c'est toi ? L'homme de main lève les bras pour dire « Ok, je dis rien. » Donc voilà, donc j'étais là et il y avait... Voilà, j'avais une super anecdote et je sais plus où j'en étais. Rio de Janeiro, le soleil... Le soleil, ok, c'est bon, ta gueule, je l'ai. Le soleil me cuisait littéralement l'épiderme. C'est alors qu'un vieil homme me tape sur l'épaule et me dit « Hola muchacho, ¿cómo te llamas ?» Farson, sur sa chaise, fait une légère moue grimaçante. Quoi ? Bah, au Brésil, il parle pas espagnol, il parle portugais. Ouais, voilà, j'osais pas le dire, mais... Kerrigan écoute les deux discuter, un sourire forcé aux lèvres. Non, mais en fait, on fait souvent l'erreur, en fait. Bah oui, parce que le Brésil, c'est un peu l'exception en Amérique du Sud. Bah voilà, c'est ça. On revient sur les deux, l'homme de main est à côté de Farson et a sorti son téléphone portable. Là, langue officielle, brésilien. Farson se prend une balle dans la tête. Contre-champ, c'est Kerrigan qui a tiré. Oh bah non, mais on devait l'interroger, c'est malin. Kerrigan décale sa main pour viser son homme de main. Enfin non, mais après, il y en a peut-être qui parlent espagnol. Et il meurt. Voilà, donc ça c'est la première partie du sketch, donc avec avec le premier le premier des trois méchants. Voilà, bah c'était non plus regarde quand je dis les autres, on retrouvait Kerrigan, c'était tout le temps Kerrigan en fait. Ah oui, on avait fait une version où c'était tout le temps le même le méchant. Le même finalement. Méchant qu'on était évidemment joué, oui, dans trois situations complètement différentes et que tu interprétais à chaque fois parce que voilà, tu l'aurais interprété avec brio. C'est un sketch en plus qui devait, alors je me souviens plus d'exactement tous les noms, mais de mémoire il y avait Justine, Éléonore, Jules Fou, toi, McFly et Carlito. Ouais. Et voilà, et donc du coup, l'idée c'est que c'était tous ces gens-là qu'on voyait dans les sketchs, plus évidemment s'il y avait des seconds rôles ou des guests ou des machins, tous les copains de Golden Moustache. On va juste se lire avant un sketch qui s'appelle Panalcock. Donc, Panalcock, c'est un sketch que j'avais écrit, c'est une parodie des documentaires de 7 à 8. Je sais pas, non, d'ailleurs, pas de 7 à 8, de comment ça s'appelle, 50 Minutes Inside. Jeff Panalcock. À même pas 30 ans, ce jeune humoriste réussit tout ce qu'il entreprend. Toujours accompagné de son fidèle Jean-Luc, Jeff a su toucher le cœur des millions de Français. Portrait. On retrouve Jeff sur scène. Alors les trous du cul, comment ça va ? Non mais tu peux parler comme, tu peux pas parler comme ça au public, Jean-Luc, ils vont faire la tête. Les têtes de con, hein ? Oh Jean-Luc. Ouais, retour à interview. Ouais, la scène, ça a tout de suite marché. J'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu l'émission de Patrick Sébastien, celle d'Arthur, et puis les gens ont un véritable amour pour Jean-Luc. Oh, le PD, ouais. Non, Jean-Luc. Un amour du public envers Jean-Luc qui lui ouvrira les portes du cinéma. Extrait de film, on est en 2.35. Dans un jardin, Charles et Rachid discutent. T'en penses quoi du mec de Béatrice ? J'en pense que le père va finir par faire une attaque. Hé, hey, Rachid Taha et Maître Gibbs, vous vous ramenez ou vous me laissez tout seul avec Jackie Chan ? Dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon 2, Jean-Luc joue pour la première fois et le succès est au rendez-vous. 14 millions d'entrées. Hé, hey, ça pue, quelqu'un a pété ou c'est les gitans qui sont comme ça ? Tour interview, Jeff. Bah le film a cartonné, hein, on s'y attendait pas. Ah bah ça nous a fait plaisir, c'est sûr. On s'est beaucoup amusé sur le tournage et puis ça m'a permis de rencontrer la femme que j'aime. Filmé à l'iPhone, on voit Jean-Luc essayer de cacher la caméra, toujours avec Jeff derrière qui tient la pluche. La chanteuse Shaim ouvre une porte et... Ouais, on imaginait qu'on avait Shaim en guest. La chanteuse Shaim ouvre une porte et sort, elle roule une pelle à la peluche. Un couple controversé, vivant mal la pression des médias. Vous parlez de ma vie ? Vous dire à vous d'où je viens ? Qui je suis la meuf de Jean-Luc, d'accord ? Retour interview. Ouais, c'est un amour très passionné, alors forcément, les gens veulent s'en mêler. On voit des unes de couverture plus racoleuses les unes que les autres. Une relation sulfureuse qui sera en une de nombreux journaux, jusqu'au jour où fuite sur internet une vidéo privée du couple. En vision night shot, on voit Shaim rouler des pelles à la peluche tandis que Jeff est au bord du lit en train de checker son téléphone. La peluche et Shaim s'activent sous la couette, Jeff regarde des stories Snapchat. Toutefois, le couple arrivera à traverser ce torrent médiatique jusqu'à ce 23 janvier où Jean-Luc fait son tchao pantin. Retour interview. Ah ouais, ça c'est mon film sérieux, ça. Un film sérieux où la peluche apparaît à l'écran méconnaissable. Là, on voit un comédien français célèbre qui joue extrêmement bien. Mais putain, pourquoi t'as besoin de cette cam, Jean-Luc ? Dis-le-moi, cette merde, c'est pas bon pour toi. On voit Jean-Luc, pardon, avec une fausse moustache plus grosse. Jeff Panalcock, pardon, apparaît derrière dans le fond coupé à moitié par le cadre. T'as déjà perdu pas de ta mère à cause d'un cancer ? Je crois pas, Clovis ! Moi oui, alors cette taupe, c'est tout ce que j'ai ! Pour ce rôle, Jean-Luc emporte le César du meilleur acteur et devient le premier acteur peluche à remporter un prix. On voit une photo où Jean-Luc tient le César. Et si vu de l'extérieur, la vie semble parfaite, la réalité est tout autre. Retour interview. Jeff. Bah, Jean-Luc avait vraiment une carrière qui explosait, une vie de couple installée, il allait adopter son premier enfant avec Shaim. Et était temps pour moi de faire une carrière solo. Jeff a les mains libres. Le premier spectacle de Jeff sans Jean-Luc ne rencontrera pas le succès escompté. Eh, hey, ça va les trous du cul ? Eh, hey, mais d'où tu nous insultes, fils de pute ? Ouais. Dis donc, alors Kenji, c'est un gitan. Vous croyez qu'il vole des trucs pour... Nous, c'est raciste ! Il est où Jean-Luc ? Jean-Luc ! Jean-Luc ! Jean-Luc ! Jeff se prend un truc à travers la gueule. De son côté, Jean-Luc fait lui aussi un spectacle solo. Salle de spectacle, on voit la peluche posée sur un tabouret. Il y a un silence de mort. Bravo ! La presse est unanime et le public suit. On voit des unes de journaux, la presse salue le spectacle, Jean-Luc se réinvente. Ah ouais, c'était incroyable ! Mais à un moment, je voulais revenir à la base. Alors j'ai proposé à Jeff qu'on refasse un spectacle ensemble. Ouais, il a bien voulu, ouais. Salle de spectacle. Jeff et Jean-Luc sont sur scène, ils font des blagues. J'ai écouté le dernier Kenji. T'en as pensé quoi, Jean-Luc ? J'ai trouvé que ça sortait la caravane ! C'est très plaisant de faire cette voix. Ah putain, il a été écrit, on peut le dire, à 95% pour que tu fasses cette voix. Est-ce qu'on n'essaiera pas de prendre un appel ? Tu veux prendre des appels ? Je sais pas, pour mettre un petit coup de... Vas-y, alors on va tenter. Parce qu'il m'écrit en message. Ah. Je crois qu'il est là. Tu es là? Allô? Oui, oh, je suis là. Oh là là. Alors, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Mais réponds, putain. Peux-tu te présenter, peut-être pas dans les grandes lignes, s'il y a des gens stalkers qui veulent te retrouver, mais nous dire ton prénom, d'où tu viens, tout ça. Je m'appelle Mathieu, je viens de Cannes. Est-ce que tu peux arrêter de frotter des paquets de chips sur ton micro en même temps que tu parles? Parce que ça fait beaucoup de bruit. Ou peut-être tu écris sur ton clavier en même temps, non? Mes toilettes. Tu es aux toilettes? Pour être au calme. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Tu nous appelles de tes chiottes, c'est ça que tu es en train de nous dire. Tu es en train de chier. Donc, tu peux nous rappeler ton prénom, excuse-moi? Joachim. Joachim, tu as participé sur le Discord, tu t'es mis dans le salon... je participe. De quoi voulais-tu nous parler? Je t'en supplie, c'est à toi. Une anecdote marrante quand j'étais en soirée. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un anniv avec, pour un pote. Je suis allé chez lui, soirée normale, tout ça. Qu'appelles-tu soirée normale, déjà? En général, nous, juste on prend un peu d'alcool, de la bouffe, etc. Puis après, juste on se cale, on parle et puis on se bourre un peu la gueule, quoi. D'accord, ouais. Oui. Absence de coke et de femme, alors, du coup. Ah, mais absence de... BS, quoi. Oui, d'accord. Très bien. Donc une soirée normale, très bien. J'ai une réputation d'alcoolo dans le cercle de mes amis, en fait. D'accord. Je suis connu pour descendre énormément de bière très rapidement. D'accord. D'accord. C'est un peu un espèce de spectacle, etc. Je commence à en descendre 1, 2, 17 au final. D'accord. Vraiment très très mal. Et au final, je me téléporte dans la salle de bain. Enfin, je sais pas trop comment je suis arrivé là-bas. Alors, je pense que c'était à pied en vrai, mais. Peut-être en rampant, mais... Oui. possible. Sûrement. Et du coup, j'arrive dans... C'est sa salle de bain perso, donc qui est collée à sa chambre. Je me pose une heure sur les toilettes parce que je suis pas bien. Je me dis, ah, je vais prendre une douche. Déjà, cette idée est folle, déjà. Chez ton pote, donc. Ouais. À l'aise. Quand je suis chez les gens. à prendre ma douche, etc. Ça dure vraiment très très longtemps et c'est une douche ouverte, du coup il y a beaucoup trop d'eau qui passe. Et au bout d'un moment, mes potes ils viennent me faire chier un peu, ils viennent se foutre de ma gueule. Ils viennent se foutre de ta gueule alors que tu te douches? Ouais, mais. Tu te douchais à poil ou pas? Genre, ils tapent parce que j'avais fermé. Ah, d'accord. Ouais. Et après, ils arrivent à trouver un tournevis à ouvrir et quand ils rentrent, j'avais chié. Ok. Tu avais chié sous la douche? En position, parce que j'avais envie de chier. Et il y avait les toilettes vraiment à côté, genre j'aurais pu couper, sécher et y aller. Et j'ai entendu un mec, enfin, je suis devenu fou, je sais pas si c'est un pote ou un mec, me dit vas-y, chie dans la douche. Le meilleur pote. Vas-y, tu sais que vas-y, chie dans la douche sera le titre de ce podcast, hein, grâce à toi. Ah bah, je suis heureux, podcast, et je m'adore aussi, je suis beau. Bah écoute, et du coup tu là t'es en même temps en train de chier là dans tes chiottes au moment où tu parles, donc la boucle est bouclée finalement. Chier quoi que je fasse en fait. Tu chies régulièrement. Ouais, j'adore. Mais alors du coup comment ça s'est soldé du coup? Alors t'étais, donc quand ils ont ouvert, tu étais accroupi dans la douche en train de chier, non pas que je veuille te harceler de détails, mais comment s'est fini cette histoire? Il y a une photo de moi qui a pas tourné, c'est un très très bon pote qui a pris, je fais non s'il te plaît. Plutôt cool, et en fait il m'a vu, j'étais nu et complètement genre recroquevillé sur moi, et il y avait plus ma mère, je l'avais fait disparaître quoi, j'avais fait passer sous l'eau. Je crois que j'ai même pris dans mes mains, je l'ai jeté dans les toilettes. Oui, normal. Oui, mais alors du coup vraiment la prochaine fois va aux toilettes plutôt que passer par la douche et chier dans tes mains. Ça fait une belle anecdote. Pierre aussi, première étape. Mais ouais, du coup là, j'ai chié dans la douche, etc. Et il y avait vraiment beaucoup trop d'eau dans sa chambre, c'était inondé aussi, c'était fou. Ah il oui, m'a dit oh, s'il te plaît, nettoie et tout ça. J'étais beaucoup trop fatigué, j'ai nettoyé, j'ai fait croire que j'ai nettoyé. Après, je fais bon, je vais partir me coucher et j'ai laissé toute l'eau jusqu'au lendemain. Quoi. T'es un bon pote finalement. Il aurait vraiment dû publier la photo. Ouais, mais ils m'ont fait du sale chez WAM aussi, donc ça va. Mais juste, alors, est-ce que. Donc, tu t'es accroupi pour chier alors que vraiment c'était l'occasion d'essayer de chier debout? Parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de chier debout quoi. En fait, j'étais les jambes à moitié pliées, quoi. J'étais semi-debout, semi... D'accord. Quoi. Ouais, t'as quand même tenté un entre-deux pour te dire, c'est pas tous les jours que j'aurai l'occasion de chier pas assis, quoi. C'est devenu un peu un running gag avec mes potes. On dit, bon, dès que je fais un clash, on fait, bon, ferme ta gueule, t'as chié dans la douche, donc... Ça me fait plutôt marrer, quoi. Bah écoute, Joachim, merci beaucoup de nous avoir partagé cette anecdote. Tu nous as égayé notre soirée et si la prochaine fois tu chies dans un autre endroit incongru, donc dans un coffre de bagnole, tu vois, je sais pas, dans un clic-clac. Un préau. Un préau de collège. N'hésite pas, d'accord ? Merci beaucoup, Joachim, de ton appel. À très bientôt. Ciao. Ciao, bye. Bisous. Oh, l'excellent chieur. C'est déjà la meilleure idée d'ouvrir ce Discord. Oui, bon bah. Très très vite, c'est devenu la meilleure idée. Tu vois, je le sentais un peu timide au début. Je me dis, ah, très vite, il s'est soulagé. Non, il nous a raconté comment il s'est soulagé. Oh là là, très très bonne idée. Bravo. Très très très bonne anecdote. Qui est-ce qu'on pourrait appeler ? Je vais essayer de prendre des appels au hasard. Oui, bonjour. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Bonjour Bastien, bienvenue dans Floodcast. Est-ce que tu vas bien ? Ah bah je vais très bien et vous ? Écoute, on va très bien. Mal. Je suis très heureux de t'entendre. Tu as le meilleur micro depuis le début de cet échange avec les comment vous êtes appelés sur le chat les flodingos. Tu voulais participer, je crois. De quoi voulais-tu nous parler ? Je dis une petite anecdote si parce que a priori c'est le principe du podcast. Écoute, on s'oriente vers ce truc-là, donc quel serait le sujet de cette anecdote ? Dis-nous. Alors, j'ai un peu parlé sur en fait, en voyant un peu les commentaires, j'ai l'impression que toutes les anecdotes révolvent autour du fait d'être bourré. En plus, tu parles à deux personnes qui ne boivent pas d'alcool, donc nous, on est très friands des autres quand ils sont bourrés. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un petit peu un problème, mais bon, je vais la partager quand même parce que tant qu'à faire. Vas-y. Mon père était alcoolique, donc t'inquiète. Il n'y a pas de problème. Donc première soirée de terminale, je suis avec mes amis très proches et donc on boit un petit peu d'alcool dans le respect du prochain. Qu'appelles-tu est-ce que le respect du prochain, enfin il y a du vomi dans le respect du prochain ou... Il arrive très bientôt. Ouais, d'accord. Excuse-moi, je mets la charrue avant spoiler, les deux. Pardon, spoiler. Pardon, vas-y. Et donc, en fait, moi, j'ai aussi mon meilleur ami, qui est mon meilleur ami depuis la sixième, qui ne boit pas d'alcool. D'accord. Du coup, il y a un moment où je commence à être mal et il essaie de me soutenir. Moi, je suis en train d'essayer de faire le poirier au milieu de la salle. Il me dit que c'est vraiment une mauvaise idée. Ouais. Pour le moment, bon pote. Ah, mais au demeurant, c'est un très bon pote. Sauf que en arrêtant de faire mon poirier, je lui ai vomi à la gueule. Ah, bah voilà. À la gueule, hein, carrément. Alors attends, parce que moi j'ai plein de questions techniques du coup. Comment t'as pu lui vomir à la gueule alors que tu faisais le poirier ? Non, tu t'es redressé. Ah, tu t'es redressé et t'as vomi ? Oui, parce qu'en fait j'avais un peu le tournis de m'être redressé. D'accord. Ouais. Et il était un peu en train de me soutenir, c'est-à-dire que j'étais en train de me pencher en avant, il essayait de me porter sur Macman et je l'ai vomi vraiment sur la tête. Oh là là. Alors, pardon, je suis un homme de précision. Peut-être qu'on ne se connaît pas, hein, mais je suis un homme de précision. Quand tu dis sur la tête, est-ce que tu peux donner des endroits précis du visage ? Le visage ou l'arrière de la tête ? Les cheveux, le crâne, où nous sommes ? Alors, c'était plutôt sur l'arrière de la tête, mais bon, hein, y en a toujours un peu de debug avec sur le visage. Ouais. Une kippa de vomi, on peut dire ça comme ça. Et en plus, vraiment, il l'a pas mal pris, mais il l'a pas bien pris non plus. Ouais, comment aurait-il pu bien le prendre ? C'est quand même la question que je me pose. Genre, il aurait pu faire. Bien joué. Yes, yes, yes. Merci, mon gars. Merci d'avoir gerbé. Putain, j'attendais que ça depuis la sixième. C'était mon dernier truc sur la liste de choses à faire cette année. Me faire gerber sur l'arrière du crâne. Merci. C'était une soirée de nouvel an, donc tant mieux. C'est ça. La bonne résolution, quoi. Non, et donc, je crois qu'on s'est même pas parlé pendant une semaine parce qu'il avait juste besoin de digérer un peu. et toi aussi, un peu au final. Mais vous êtes amis toujours ou pas ? Ah oui, non, mais c'est toujours mon meilleur ami, même si maintenant il est dépressif, mais sinon ça va. D'accord. Depuis ce jour, il est dépressif en fait. Il a fait, tu donnes tout à quelqu'un, il te vomit dessus. C'est un bobo bam, mais après, en même temps, j'étais bourré. Oui. Attention, parce que. Et là, tu vas nous détester parce qu'on a un peu la phrase des gens qui boivent pas, mais le « j'étais bourré » reste. Ce n'est pas une excuse, tu vois ce que je veux dire. Ah, mais alors, je disais ça un peu en anglais, mais je suis clairement d'accord avec vous. Ah, c'est voilà, vrai. Tu nous fais plaisir. Mais pour le coup, ce sont mes potes qui me disent eh, ça va, je suis bourré. Non, ta gueule. Ouais, c'est ça. Bah, je t'ai mis une patate, mais enfin, hey, j'étais bourré, ça va. Non, mais là, pour le coup, je veux bien te croire que vomir, c'est quand même, oui, t'étais bourré, je veux bien croire que c'était lié, quoi. Voilà, c'est pas une action irresponsable. Après, le poirier, c'était pas mis en plan. Moi, vraiment, je fais le poirier sans boire en soirée, ouais. C'est aussi des mauvaises idées. Donc, moi, j'ai une question, alors peut-être, vu que t'étais bourré, tu vas pas t'en souvenir. La première phrase qui est sortie après que tu aies vomi sur le crâne de ton ami. Alors, en fait, je m'en souviens assez bien parce que je pense, en fait, j'avais juste bu beaucoup vite, mais du coup, j'étais pas en blackout de ouf. Donc, il s'est vraiment relevé. Bon, évidemment, la musique s'est arrêtée. Enfin, tu vois, c'est jump cut. Enfin, vraiment, on force sa tête. Le disque, il y a eu un disque rayé à ce moment-là. tout le monde le regardait et vraiment, il fait bon. Il allait aux toilettes. Bon. Les toilettes où il y avait notre précédent auditeur qui était en train de chier dans la douche. Bon, tu comprendras pas ce gag parce que toi t'as pas eu cette anecdote, mais on a un auditeur qui nous a. En écoutant le Floodcast, ça te paraîtra très limpide. Mais je pense que dans ce bon, il y avait bon, bah voilà, c'est ça ma vie maintenant quoi. C'est ça ma vie. Bon, bah j'accepte. Et bon, je suis dépressif désormais. Bon, je suis dépressif. Voilà, ouais, c'est ça. Et c'était en quelle année ça? C'était. Il y a 2 ans. 2015? Ah bah de toute façon, c'était une année de merde. Donc clairement. Ah, bah non, c'était genre pour la bonne année 2016. Ah, 2016, d'accord, ok. Qui était pas ouf non plus. Qui était pas dingue non plus. Je pense qu'on peut arrêter de dire que les années sont des années de merde parce que. Tout est nul tout depuis est nul. Des années. Voilà. Ok, d'accord. Bah écoute, merci beaucoup. Ouais, au revoir. Merci. Oh bah non, mais attends, j'ai l'impression de t'avoir foutu dehors. Merci beaucoup de ton appel. Ah, bah merci à vous de m'avoir appelé. Et puis merci de nous avoir partagé cette anecdote personnelle. Et comment s'appelait ton ami si c'est pas indiscret? Il s'appelait Alexandre, il s'appelle toujours Alexandre. Oui, bah j'imagine. Ouais, eh bien, Alexandre, si tu écoutes ce podcast, un respect éternel. Et puis, c'est rare de pouvoir dire je sais ce que ça fait d'avoir du vomi dans les cheveux. Pas tant de gens peuvent le dire. Bon, merci beaucoup, mec, en tout cas, je te fais des bisous. Salut. Merci, au revoir. Ciao, bye. Bon, il y a bien une femme qui s'est chiée dessus quand même dans ce Discord, c'est pas possible. Là, il n'y a que des mecs, bordel. La personne que j'ai appelée ne. Comment? La personne que je voulais appeler, qui je crois est une femme, ne répond pas. Est-ce que tu es là, Gobiscotte? Allô, tu es présente. Comment vas-tu? Ça va très bien. On m'entend ou pas? Oui, on t'entend très bien. Très, très, très bien. Peux-tu te présenter, dans la mesure de ce que tu veux, d'ailleurs, hein, comme tu veux? Oui, bah, moi, je fais partie des Floodcast Lafior, apparemment, c'est comme ça. Oui, alors voilà, on cherche un nom des fans de Floodcast. Il y a eu les Floodcast Lafior qu'on aime bien. Il y a eu les flottes dingo, je crois, un truc comme ça. C'est pas ouf, ça. C'est moins bien. Eh bien, écoute, si tu te définis comme flotte Castafiore, c'est ton choix. Flotte Castafiore, on est OK avec ça, on prend à fond. Tu nous appelles d'où, si ce n'est pas indiscret? J'appelle d'un petit village qui s'appelle Château-Arnoux-Saint-Auban. D'accord. Donc vraiment, voilà, dans les Alpes de Haute-Provence. Mais est-ce que ça tient sur un panneau, ce nom de ville très très long? Oui, bizarrement, oui, ça tient. En fait, c'est deux villes qu'ils ont collées ensemble, voilà. Très bien, dans des mesures d'économie. Bravo Macron. Voilà un podcast qui dénonce, tu le sais. T'es à la montagne. Évidemment, oui. Et bah, c'est... Depuis pas longtemps. Ah d'accord, bah c'est trop bien. T'étais où avant si c'est... Encore une fois, je vais pas arrêter de dire si c'est pas indiscret, mais tu étais où avant la montagne? Tu étais déjà Je répondrai à toutes vos questions. J'habitais à Toulon, dans le sud de la France. Et est-ce que c'est mieux ou moins bien de vivre à la montagne? Parce qu'on se fait tous un peu un espèce de kiff de se dire « Putain, vivre à la montagne, c'est trop bien, je ferai tout le temps des balades et je serai ami avec des castors. » Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, trop bien. Donc, tu conseilles? Bien, donc je suis allée pour lui aussi. Comment? Et voilà, j'ai un chien, donc j'y suis allée aussi pour lui. Ah, très stylé. Mais la raison principale, si c'est pas indiscret encore une fois, de ton emménagement à la montagne? C'est mon chien. Comment? C'est juste pour ton chien, d'accord. Bah tu es très dévoué. Tu es très dévoué à la cause animale. Vraiment, bravo. Bah ouais, c'est assez stylé. Pourquoi nous? Alors. Non, en vrai, c'est aussi pour moi parce qu'en fait, je me faisais vraiment emmerder tout le temps en ville aussi, il faut le dire. Ah d'accord. Et là, personne ne m'adresse la parole et je suis très heureuse. Bah tu viens de décrire mon rêve. Je vais y aller. Je vais supprimer mon compte Twitter et aller à la montagne. Parfait. Bon, pourquoi nous as-tu appelé? Pour raconter une anecdote parce qu'apparemment. Vous êtes friand d'anecdotes en tout genre. Écoute, avant je me nourrissais de nourriture. Maintenant, depuis là quelques anecdotes, je me nourris uniquement d'anecdotes. Et autant te dire que je suis pas prêt de faire un régime. Pff, Ok. Et tu pourras m'appeler Ringarman jusqu'à la fin de cet échange. Ouais. Non, la fin des temps. Ok, Ringarman. Non, bah, mais en fait, oui, c'est ça. On appelle juste pour raconter des trucs complètement. Et vas-y, vas-y. Non, mais là, on a eu des trucs très, très divers. Très divers et variés. Tu fais comme tu le sens. La seule à me foutre la honte, en fait, c'est ça. Ah non, non, non. T'inquiète pas, il y a eu, je pense. Enfin, on n'a pas encore eu ton anecdote, mais en termes de honte, il y a eu du très haut niveau. Il y a eu du très, très haut niveau. Et puis, si tu écoutes, si tu es une vraie flotte Castafiore, on a quand même beaucoup donné, nous aussi, depuis une vingtaine de numéros. Donc voilà, à toi de juger. Et donc voilà. Alors, du coup, c'était pour remettre les choses en contexte, j'étais en 5e au collège. Mmh. Donc j'avais 12 ans. Ouais. À l'époque, c'était vachement à la mode pour les meufs de mettre des strings pour être cool et branché. En fait, il fallait absolument porter les petits strings et surtout bien faire dépasser la ficelle. Évidemment, évidemment. Jean Miss 60, on est d'accord. Rappelons la chanson String Color, tube de l'été de l'époque. Évidemment. Voilà. Et donc, moi, vu que j'avais pas les moyens, je piquais les strings de ma mère, ce qui est extrêmement sexy. Ce qui est déjà très haut dans le niveau du sexy, effectivement. Ouais. Voilà. Donc, je piquais les strings de ma mère, et en plus, c'était des strings genre Playboy, parce que c'était vachement à la mode avant. D'accord. Semaine marquée dessus. Avec quoi? Les jours de la semaine? Oui. Oh. C'était un lot de 7 strings avec tous les jours. Alors, en français? Oui, oui, lundi, mardi. D'accord. Et on sent rose et avec des petites paillettes et tout ça. Okay. Et donc je mettais ça, je me croyais vraiment cool. Et genre, j'avais trop l'impression d'être une femme, quoi. Donc voilà. Il y a eu donc, un cours de PS, on était dans un grand gymnase, il y avait absolument toute la classe. Et c'était démonstration un peu de gymnastique. Genre, on avait appris des enchaînements toute l'année. Faire un arbre droit, en fait, avec. Deux de mes collègues et enfin, mes camarades tenaient chacune une jambe. Ouais. Oui, voilà, c'était la terre, ça s'appelait un truc comme ça, ouais. Ouais, apparemment. Et ben, ouais. J'ai beaucoup trop pris mon élan, en fait, je suis tombée en avant. D'accord. En roulant, j'ai vu qu'elles avaient gardé mon pantalon dans les mains. Oh la vache, ah oui, d'accord. Donc j'ai refait une roulade. Playboy du jour de mardi, je crois. Donc j'ai fait une roulade le cul à l'air devant toute la classe de 5e. Putain. Les pires années pour faire ça en plus, non, malheureusement. Mais... Ça, et en plus de ça, je suis tombée sur les cervicales et j'ai dû porter une nerve. Oh putain! Ah oui, d'accord! Le reste. Ouais. Donc. C'était ma pire honte et je me disais qu'elle était assez sympa. Ah, elle est très très bien. Elle est très très bien. Est-ce que peut-être pour rajouter. Une petite cerise de honte sur ce gâteau déjà assez, assez chargé. Est-ce que c'était bien un mardi que t'as fait ça? Je sais pas si le jour correspondait bien sur le string, mais à mon avis, j'étais... Ça va, parce que, raccord, ouais. Parce que les gens auraient pu en plus te trouver un peu grosse crasse-pouille, quoi. Donc, qui garde sa culotte 4 jours, tu vois, ça aurait été un petit bonus, quoi. Très bien. Non, à mon avis, j'avais choisi le bon jour D'accord, t'as quand même géré ça, mais c'est vraiment le truc le moins important dans l'anecdote. T'as géré le truc qui était effectivement le moins grave. Mais tu as blessé ton âme et ton orgueil et ta nuque en même temps. Et, c'est très fort. Et comment je porte des grosses culottes et ça va très bien. Comme écoute, ça, ouais, non, ouais. Mais c'est tout à ton honneur. Comment on gère d'ailleurs le regard des autres après ça? Est-ce qu'il y a un espèce de silence gêné ou après, je crois un peu connaître la réponse vu les années dont tu me parles, 5e. Ou est-ce que les gens sont des sales cons et t'en parlent absolument tout le temps? D'abord, je suis allée pleurer dans les toilettes. D'accord. Bon. Et après, j'ai raconté à mes parents et ils sont foutus de ma gueule, tout simplement. Bah, très bien. Les parents sont souvent forts quand. Dès que tu leur. Alors, toi, je sais pas ta relation avec tes parents, Gobiscotte, mais c'est vrai que de mon côté, dès que j'essayais de parler d'un truc où j'étais un peu triste, ils riaient. Vraiment, c'est une réaction assez particulière. Ils me filmaient et ils me mettaient dans les miens. Donc, tes parents se sont marrés. Exactement, mais pas. Oui, oui. Ils ont trouvé que c'était très drôle et du coup, bah, j'ai fini par rigoler aussi, mais beaucoup plus tard. Ouais. Et non, bah après, j'ai été, oui. C'est devenu un running gag. Est-ce qu'on t'a ressorti ce truc-là, non? Non, non, je pense qu'en fait, on trouvait plutôt des nouvelles victimes, genre toutes les semaines, et du coup, ils sont passés à autre chose. D'accord. D'accord, voilà. Ouais, c'est vrai. D'accord, ok. Bon, bah écoute, au final, tu t'en es tiré, quoi. Est-ce que le message qu'on peut dire aux jeunes, c'est on peut s'en sortir de ce genre de choses? peux s'en sortir. Oui, non, maintenant, ça va, je le vis très bien. Bah, écoute, et puis t'achètes. Je le raconte ce soir vraiment sans gêne. Oui, oui, bah, puis maintenant, tu achètes tes propres culottes, tu arrêtes d'en emprunter à ta maman. Oui, quand même. Voilà, c'est pas mal. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Putain, je suis ravie d'avoir participé comme ça. Vraiment, ça me fait très plaisir. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Et puis, éclate-toi dans la montagne. Comment s'appelle ton chien? Lord Dodu, exactement. Alors, Lord Dodu. Est-ce un rapport, ouais, un lien de parenté avec Père Dodu ou Non, c'est parce que j'aimais beaucoup le mot Dodu et je trouvais que ça sonnait bien pour un chien. Mais je comprends. En fait, c'était l'année des L, donc j'ai dû rajouter Lord devant. Lord Dodu, bah écoute, moi ça me plaît. C'est un très bon nom de chien et un mauvais nom de personnage de Game of Thrones. Non, et l'inconvénient c'est que comme tu l'as appelé Lord, tu es obligé de lui offrir apparemment une demeure à la montagne parce que c'est un Lord. Donc tu es obligé de. Mais c'est ce que j'ai fait, ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'est l'inconvénient, mais il a un titre de noblesse maintenant. Faites gaffe au nom que vous donnez à vos chiens, ça peut vous coûter une blindaxe, vraiment. S'il a un titre de noblesse, il faut lui offrir des terres après, donc c'est vraiment chiant. Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas de ton appel, et puis bah je te souhaite une bonne soirée. Très bonne soirée. Très bonne soirée aussi, et à bientôt. Ouais, à bientôt. On espère, bisous, ciao. Oh, je t'ai coupé la gueule comme un bâtard, je suis désolé. Bah c'est cool ces petites, petites anecdotes, c'est rigolo. C'est rigolo. À refaire. À refaire de temps en temps. Mais je pense que c'est plus simple quand on est que deux là. 5, on lui marcherait dessus et tout. Je pense que ça aurait pas trop de sens. Ouais, peut-être, ouais. Et on va prendre un dernier appel pour faire un truc un peu cool. On est vraiment dans une vieille radio des années 90. Un des auditeurs m'a dit qu'il voulait annoncer quelque chose à un pote et utiliser Floodcast pour le faire. Donc je vais l'appeler. Alors il faut qu'il réponde maintenant. Oui, allô, est-ce que tu es présent? Oui, je suis bien présent. Oh, tu as un son si clair, c'est très agréable à tu entendre à l'oreille. Tu as un très bon micro, bravo. Tu as un super micro. Merci, juste simplement des écouteurs d'iPhone. Ah bah, la meilleure chose, encore une fois. Je sais pas si des gens le disent, mais Apple, c'est super en tout cas. Franchement, comment t'appelles-tu si ce n'est pas indiscret? Alors moi, mon prénom c'est Baptiste. Ouais. Ok, enchanté Baptiste. J'ai 17 ans et je vis dans le sud de la France. Très bien. D'accord. Baptiste, Vers où dans le sud de la France, parce que c'est très vaste. À Cannes, exactement. À Cannes, directement, d'accord. La ville précisément. La ville du cinéma. Est-ce qu'on te dit des fois que Cannes, c'est la ville du cinéma? C'est un truc un peu peut-être original que j'ai trouvé. Tout le monde le dit. Ah putain, je le sentais. Merde. Je le sentais. Je t'appelle parce qu'on m'a dit que tu voulais potentiellement utiliser cette émission de podcast pour passer une espèce de message pour une surprise. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est ça. Alors en fait, dans pas longtemps, le 24 janvier, c'est l'anniversaire de mon meilleur ami pour ses 18 ans. Ouais. Et j'avais prévu avec mon autre ami, qui est déjà passé tout à l'heure. Oui, oui, oui. C'est lequel? C'était celui qui chiait dans des douches. C'est Joachim. C'est ça. Le bon chieur. D'accord. Est-ce que c'est toi qui a la photo de lui en train de chier ou pas? Non, c'est mon autre ami, moi j'étais pas là à ce moment. Donc, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, l'annonce que tu voulais faire à ton meilleur ami? Je t'en supplie, c'est à toi. Alors, pour ses 18 ans, à mon meilleur ami qui se nomme Donovan, yes, j'ai prévu, avec mon autre ami Joachim, de lui payer un voyage à Londres pendant une semaine. Oh, félicitations! Ben c'est stylé, putain. Tu es un très bon ami. Et vous avez de l'oseille pour 18 ans. c'est bien, c'est cool. Vous êtes parfaitement blindé. Moi, je reviens de Londres, moi, justement. Et alors, est-ce que t'as déjà prévu avec tes deux... Vous partez tous ensemble, tous les trois? Oui, on part tous les trois. Ok, putain, très, très bon délire. Est-ce que tu as déjà prévu des activités à faire? Peut-être tu veux garder des surprises pour ton meilleur pote, d'ailleurs. Dodo. Ben, pour l'instant, on a prévu de faire le studio Harry Potter. Ce qui est une très bonne idée. Très bien. Ce qui est une très bonne idée. Et peut-être on va essayer, si on peut prendre sur place, faire la convention spéciale Walking Dead. Ok, un trip de gros geekos, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça, un gros trip de geek. Parfait, bah c'est une très très bonne idée. Si vous allez dans des clubs à putes, attention, Snapchat, faut pas mettre en public. Parce que c'est un peu compliqué. Ouais. On a un pote qui a merdé, donc. Voilà, je préfère te le dire parce que ça peut bugger. Et prenez douche séparée si vous êtes dans la même chambre d'hôtel. Essayez d'avoir deux douches, parce que Joachim, excellent chieur. Je ne m'approche plus de lui. J'essaie d'éviter le plus possible. Pour des raisons assez évidentes. Non, mais c'est trop bien. Bon, c'est délire. Trop bien comme cadeau, putain. Bravo. Très, très bon délire. Bah écoute, ne me faisaient pas de cadeau du à tout pour moi. 18 ans, moi non plus. 18 ans, le max que j'ai eu, je pense, c'est un cadre avec des photos dedans. Et oui, c'est vrai. Et genre une culotte dédicacée, genre, dis donc, t'as offert une culotte, pas mal. voilà. Mais donc coup, une semaine à Londres. Mieux, voilà, beaucoup mieux. Ça. Parce que moi qui suis un adulte, je viens de me payer 4 jours avec mon argent. Donc non, j'ai quand même plus d'argent que ça. Mais ça fait très longtemps que tu connais. Non, oui, mais bah, j'imagine, vraiment... mais mes parents, non, mais moi. Putain, c'est vraiment trop, c'est trop bien. À 18 ans, mes parents ne m'ont pas offert ça, moi. Vraiment, ils m'ont offert un camion de déménagement pour que je parte de chez eux très très vite. Mais voilà, bah écoute, non, bah, tu es un excellent ami. Vous êtes de très bons potes, ouais. Eh ben merci. Hein. Et tu possèdes le meilleur pseudo, puisqu'il s'agit de Baba Trickshot. Donc... oui, Baba Trickshot. Un ancien sniper sur les anciens Call of Duty. Bah voilà, ah. mais quand même, t'es fan de Cyril Hanouna, entre nous. Non. Ce ouais, nom, ouais, ce nom, tu as vomi en même temps que ce nom. Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas, Donovan, tu le sais maintenant, donc tu pars à Londres avec tes deux potes. Et bah écoute, merci d'avoir utilisé ce podcast qui est devenu une émission de 98 ouais, maintenant. Mais c'est très bien. Mais bien. C'est assez plaisant à faire, c'est donc mignon, bah merci beaucoup. Tu n'as pas d'anecdote avec de la merde ou du vomi par hasard tant qu'on y est. Moi non, j'en ai pas. C'était celle-là que je voulais raconter si je passais avant lui. Ah, d'accord. Autant la voir de la voix de la bouche de la personne qui a chié quoi. Voilà, c'est quand même c'est ça. Bon, écoute, en tout cas, si tu te chies dessus à l'avenir, tu as notre Discord. Tu n'hésites pas, hein, on est ici. Je sais vers qui venir si je veux. J'espère qu'on deviendra la référence de la merde. Bah merci beaucoup, mec. Merci à vous. Bah des gros bisous. Bonne soirée. Ciao. Bye. Allez, ciao, à la prochaine. Ciao. Allô, Onilan ? Allô ? Oui, bonjour, comment vas-tu ? Salut, ça va bien et toi ? Ça va très bien, tu es aussi avec Adrien Méniel qui est présent. Ah. Bonsoir. Ah, bonsoir Adrien. Je m'appelle Adrien. Tu peux m'appeler Adrien aussi. Tu t'appelles Adrien ? Non, absolument pas. Comment t'appelles-tu ? Dégage. Non, mec, tu peux pas virer les gens qui ont le même prénom que toi, juste parce qu'ils ont pas le même prénom que toi, c'est super dur. Comment t'intitules-tu ? Tu peux m'appeler JR, enfin vous pouvez m'appeler JR. JR, est-ce que tu photographies des gens en noir et blanc en très gros plan ou pas du tout? J'aimerais. Oui, car comme... mais ce n'est pas le cas. Car tu serais blindé si c'était le cas. Et ce serait vraiment agréable. Exactement, je ne serais pas sur Discord à 23h32. Ouais. Je comprends. JR, donc est-ce que tu peux nous raconter. Tu m'as dit que tu avais une anecdote assez intéressante. Oui, donc du coup, cette anecdote. En gros, il y a quelques années, je cherchais un groupe de musique, donc j'avais posté, je suis bassiste, j'avais posté une annonce sur internet, et quelqu'un m'a contacté pour me dire « Ah bah tout, vas-y, rejoins notre groupe, on fait de la folk irlandaise, sympa, on cherche un bassiste. » Ma meuf aurait adoré. Les pogs un peu quoi. Du coup donc on se retrouve au bar et tout. Donc déjà elle m'explique un peu le délire du groupe, etc. Comme quoi elle joue du bouzouki irlandais. Alors, est-ce que tu peux nous dire, parce que moi je n'ai pas beaucoup de culture en folk irlandaise, ce qu'est un bouzouk irlandais ? Eh bien, je n'en ai aucune idée. D'accord, ok. Parfait. Mais un bouzouki, c'est pas un. Attends, je veux pas dire de conneries, mais c'est un instrument. Putain, j'ai l'impression que c'est un instrument avant, mais je. Attendez. Non, c'est. C'est à cordes. Oui, c'est ça, c'est une sorte de petit. Comme une petite mandoline un peu quoi. T'as dit c'est ça après avoir dit un instrument avant. Non, mais j'hésitais entre instrument à cordes et avant. Et, yes, d'accord, ok. Et instrument avant étant éliminé. Ouais. C'est une sorte de petite mandoline un peu, il me semble. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, moi j'ai Google sous les yeux, je te confirme que c'est donc effectivement une petite mandoline. D'accord, voilà. Ok. Donc voilà, donc on va au bar et tout, on parle de ça. Et en fait, suite à ça, elle flash complètement sur moi. Mais moi j'étais pas ok, pourquoi pas, tu joues du bouzouki irlandais, c'est plutôt un truc cool à présenter à tes parents quoi. C'est assez rare sur Tinder que les meufs mettent bon bah je fais du bouzouki irlandais, et si t'aimes bien ça, effectivement faut mettre la main dessus, parce que clairement il y en a pas 10 000. Eh bien, mettre la main dessus, tu dépasses tu avances un peu sur l'anecdote. Oh merde, j'ai un super pouvoir. Alors vas-y, dis-nous. Donc du coup, le soir même, on retourne au bar, ou le lendemain, je sais plus. Bar d'ailleurs dans lequel elle avait déjà un cocktail à son nom, ce qui m'a rassuré sur ses qualités à boire du coup, parce qu'elle avait l'air quand même... une habituée quoi. Ouais. C'est ça. Donc elle paye shot sur shot, après on va dans l'autre bar, on se fait payer encore des shots parce que c'était un anniversaire et elle connaissait les gens qui fêtaient l'anniversaire alors qu'il y avait que dans le bar et qu'ils avaient plus ou moins privatisé le truc, donc j'étais d'accord. Ouais. Elle a ses entrées. C'est ça, de mieux en mieux. Et donc du coup, après suite à ça, elle me ramène chez elle. On est un peu bourré, on s'était déjà un peu chiné, enfin un peu rapproché, des galoches, voilà. Oui, vous roulez des galoches, mais voilà. Tu vois. Alors, tu l'as galoché. Donc c'est ça, tout à fait. Donc elle me ramène chez elle et tout. Donc, à l'autre bout de la ville, direction, j'habite Je suis dans les Vosges, donc c'est pas très grand, donc je te paye ta vie où tu traverses la moitié de la campus. D'accord. Et donc, elle me ramène chez elle et tout, machin. Et avant bon, d'être sérieux et tout, on se met un petit film, on met Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est mon film préféré. Ah, bah bienvenue au club. Ah, je suis content, je suis tellement heureux de l'apprendre. En plus, je crois qu'on vous en parlait l'autre coup sur un truc de Jim Carrey, enfin bref. Ouais, non, j'adore ce film. J'avais déjà tilté. Mais par contre, tu mets la... Enfin, pardon, mais si c'est une meuf que tu voulais chiller juste un soir, tu mets la barre très haute avec Eternal Sunshine. Avec... Je vais pas te mettre la pression, on va regarder. C'est elle en plus. C'est elle qui a choisi ou c'est toi? Bah, en fait, c'est elle savait qu'il aimait bien aussi. D'accord, ok. Regarde, non, parce que là, c'est un peu l'équivalent de dire bon, écoute, je vais mettre une petite chanson, pas de stress, ça s'appelle Marie-toi avec moi. Vraiment, pas de stress, c'est juste pour un soir, mais voilà. En plus, ce qui est terrible, c'est que moi, si j'ai un bon film, j'en décroche pas. Et donc, j'étais ah cool, et puis après, je me suis rendu compte, bah ouais, mais. Ouais, t'as envie de regarder le film, quoi. Oui, c'est ça. Mais t'as aussi envie de. Voilà, de faire autre chose. En même temps, t'es un peu partagé, j'imagine, à ce moment-là. Oui, bah oui. Après, voilà. Moi, j'étais pas trop dans ce délire-là d'un soir, mais. D'accord, ok. Oui. J'étais déjà chez elle, j'ai déjà picolé, j'étais. Ouais, bon, maintenant qu'on y est, autant y aller, quoi. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, on. Après, faut pas forcer non plus. On met le film, donc au bout d'un moment, bah forcément, on arrête le film. J'étais. Putain, fais chier. Bon, après, tu connaissais la fin, mais. Ah ouais, non, mais je me souviens qu'au début, c'était encore de regarder un peu l'écran, genre, non, mais. Donc on commençait tout, puis je lui dis finalement, peut-être pas trop envie le premier soir, c'est pas trop mon délire. Okay, pas de soucis, mais on continue quand même d'avoir préliminaire un peu plus long que tout ça. Ouais. Et puis là je commence à me dire putain, en fait franchement ça me fait chier quoi, c'est s'emmerde, finalement je l'aime pas, qu'est-ce que je fous ici, ça me fait trop chier d'être là, mais maintenant que je suis là c'est chaud de se barrer au milieu de ces... je sens le truc surtout, venir je crois, surtout au milieu des Vosges quoi, là faut voilà, il y a 16 jours de marche. En plus, après j'avais ma bagnole mais j'avais picolé et tout, donc bref, ouais, la merde. C'est parti en escape game. Et du coup je lui dis, ah bah du coup demain vas-y je pars en même temps que toi. Elle me fait non mais moi demain je pars bosser à 5-6 heures, t'en fais pas, tu peux rester, tu croiseras mon père et tout, tu repars après. Je fais, ouais, nickel. Non, ouais. pas trop et tout. Mais ok, et donc hop, on part dormir et tout, sauf que moi j'arrive pas à dormir, je suis en train de mourir de soif. Mais comme je suis jamais mort de soif de ma vie, et je me dis putain c'est chaud, il y a son père et son frère à la baraque, je sais pas du tout la disposition de cette maison-là. Oui, tu sais pas où est le lavabo, quoi. C'est ça, si je vais chercher de l'eau, je vais me perdre et ça va être la mort. Et du coup, là, je me dis, là, putain, comment choper de l'eau et tout. Et là, bon, c'est peut-être pas... Je suis pas super fier, mais d'un côté, ça me fait une anecdote du siècle. Je me dis, je la vois qui est un peu réveillée, je lui dis, si je la doite, elle va avoir chaud, ça va lui donner soif, et à ce moment-là, je lui demanderai de me rapporter un verre. Quoi? Attends, elle était inconsciente? Non. Elle pouvait réagir, d'accord. Oui, non, il n'y a pas de... Bah, c'est pas illégal. C'est d'accord, illégal, ok. Genre, non, mais par contre, ce plan est fou. C'est Ocean Eleven, quoi. C'est genre la vache. Le mec s'est dit, non, mais alors attends. Le plus simple à ce moment-là, je pense que c'est de la doigté. Alors que vraiment, le plus simple était de dire, est-ce que tu peux aller me chercher un verre d'eau, quoi. Oui, ou me dire, où est la cuisine. Peux-tu me dire, où est la cuisine. Vraiment, c'est très très la simple. La salle de bain et je bois au robinet, quoi. Ouais, enfin, bon, bref. Donc toi, t'es parti. Oui, mais c'est pas du tout ce qui est arrivé, du coup. Ok, d'accord. Et donc, je commence à faire ça, et du coup, j'ai soif, je vais me chercher un truc, je fais, est-ce que tu me rapporterais pas un petit verre d'eau, s'il te plaît? Donc, ça a vraiment marché. Mais ça a vraiment marché. Ça a vraiment marché, mais elle m'a ramené un verre d'eau pétillante. Et t'aimes pas ça? Dégueulasse, genre l'eau de Vichy ou je sais pas quoi. Putain, mais... Du coup, t'as été obligé de la redoiter en disant, bon, alors attends, est-ce que tu peux me ramener de la vitesse? Ouais, t'as dit, bon, si je pisse dans l'eau pétillante, le mec a vraiment des plans très bizarres. C'est un plan étrange pour boire. Ouais. En plus, c'est pas pour un résultat vraiment banal, boire de l'eau. Boire un verre d'eau. De l'eau pétillante, dégueulasse. Hein. Oui, c'est ça. En plus, le plan a vraiment pas marché. Bon twist de fin, en tout cas. Ouais. Bah. C'est pas tout à fait. Il y a vite fait des suites. Déjà, j'ai raconté cette anecdote pour essayer de serrer quelqu'un d'autre en boîte un coup. J'étais vraiment bourré. Ah ouais, ça a dû. Pardon, JR, je te coupe, mais tu as les pires plans sur chaque situation. Sur chaque situation de la vie, tu as le plan le plus étrange. Ouais, c'est séduire quelqu'un avec ça, ouais. Genre, en fait, dis donc, je t'ai vu à l'autre bout du bar. Tu sais qu'une fois, j'ai doigté pour boire de l'eau. La fin de cette anecdote, ce qui est terrible, c'est que le lendemain, finalement, je me suis pas réveillé en même temps qu'elle. Donc, c'est-à-dire que j'ai dû essayé de me barrer discrètement de chez elle, ce qui n'a pas du tout marché, parce que son père était littéralement dans le salon en face de sa chambre. Et tu l'as branlé. Donc, ah bah, va boire, viens boire un café. J'étais, ouais, ok. Ah, mais enfin, donc... comme ça, tu connais ma fille depuis longtemps et tout. Je dis, non, enfin, ouais. Depuis hier soir et tout. Non, il, bah, t'a pro- il t'a proposé. Je l'ai doigté pour un verre d'eau, normal. Hein, enfin, pas non plus la grande relation. Il t'a proposé un café, tu voulais du thé, tu t'es dit, bon, alors à partir de là, il faut que je suce. Et là, potentiellement, je pourrais avoir un thé. Pour avoir une sucrète. Moi, je prends des sucrètes normalement, je prends pas du sucre. Non, c'était déjà assez dur comme ça. En plus, c'est ça qui est fou, en fait, tu pouvais te lever, aller chercher de l'eau si tu croisais son père, c'était pas grave du coup, vu que tu l'as croisé le lendemain matin. Oui, bah, moi, je peux... oui au final, oui. Mais je peux comprendre que sur le moment, t'avais pas envie de croiser son père. Oh bah oui, oui. Mais finalement, c'était pire le lendemain après avoir fait ça de le croiser. Oui, bah oui, oui, oui. Comme quoi, voilà, tu as le karma immédiat. C'est ça, il y avait aussi son frère après qui a appliqué 1m80, 100 kg de muscle. Enfin, ah yes. Mais, d'accord, bah, en tout cas, c'était assez... ouais, c'était... le père était assez relax. Il avait l'air à la cool, ouais. Ouais. Ah oui, finalement, super sympa et tout. Il m'a dit, ah, j'espère qu'on se reverra bientôt. Je suis jamais revenu. Non, t'as sauté par la fenêtre directement. T'as traversé une vitre. Tu leur as dit, bah, si c'est pour m'accueillir avec de la Vichy pétillante, mon pote, je vais clairement jamais revenir. Et voilà. Et voilà, bah, toute l'histoire de verre d'eau, j'espère. Elle était très bien. Mais tu sais, je pense que tu vas... oui, on va clôturer ce segment de podcast. Ça va être la fin du podcast. Avec cette très belle anecdote. Écoute, merci beaucoup de l'avoir partagée avec nous. Bah, merci à vous. Elle était très bien. J'ai pas arrivé après des trucs, genre ça a parlé de suicide, de déprime. D'un coup, alors, non, moi, non, t'inquiète, on est dans non. une épreuve. Rassure-toi. Écoute, je vais te donner un ou deux mots clés. Douche, chier. Voilà, je peux pas te dire beaucoup mieux. Donc on reste dans un floodcast, tout va bien. Bah écoute, merci beaucoup JR pour ton anecdote et puis bah j'espère à bientôt et puis bah continue d'écouter floodcast, hein, voilà. Voilà. Ah oui, je continue pas de partager tout ça, puis bah merci, c'est cool. Et va droit au but, si tu veux quelque chose, demande. Ouais, demande. Tu sais, ma mère disait souvent, un s'il te plaît vaut bien plus qu'un doigt dans la chatte. Voilà. Bon, je te souhaite des bisous. Bonne soirée, mec. Salut. Ciao, bye. Bon, eh bien, écoutez, c'est la fin de ce Floodcast. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Adrien, bon, bah, écoute, je te dis à la semaine prochaine. Absolument. Alors, attends, parce qu'à un moment, je pars. Est-ce que c'est la semaine prochaine? Non, c'est bon, c'est dans 15 jours. Je dois partir à un endroit où là, je peux pas encore vous le dire. Je suis jury dans un festival et du coup, je serai pas présent. Mais non, c'est pas tout de suite maintenant. Je suis armé. En tout cas, merci encore. Comme d'habitude, maintenant, je vais essayer de prendre le pli de vous le dire à la fin. Si vous pouvez laisser 5 étoiles et un gentil commentaire et partager le podcast un maximum autour de vous. Je déteste faire des tweets avec RT pour le soutien, mais en vrai c'est cool parce que on a rien de plus que la popularité du Floodcast. On ne touche pas d'argent dessus, voilà. Ni rien, donc c'est cool si plein de gens l'écoutent et peuvent entendre des anecdotes. Et voilà, on espère que ce nouveau vous connaissez les bails, quoi. Vous connaissez excuse-moi, tu représentes le vrai hip-hop. Je représente le vrai hip-hop. J'y peux rien. Énormément de bails. J'adore les bails. T'adores les bails, j'adore les bails. Voilà, nouvelle formule un peu que Adrien et moi, on vous appelle sur Discord. J'aime bien, je crois. Je vais voir au montage, mais je crois que j'aime bien. Dites-nous si ça vous plaît. Ouais, si grave. Ça vous plaît pas, on en refera peut-être quand même parce que c'était marrant. Parce qu'on s'en bat les couilles. Non, mais voilà, dites-nous. Non, franchement, dites-nous si ça vous plaît ou si ça gâche un peu, on sait pas. Mais en tout cas, on essaiera d'alterner. On fera pas tout le temps ça. Moi, j'aime bien aussi quand il y a plein de gens autour d'une table. Mais des petits numéros bonus comme ça pour moi. Ouais, et puis en plus, comme ça, si ça permet à vous, si vous avez une anecdote, vous voyez, c'est bon délire. Et pas prise de tête. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. À bientôt. Salut, ciao, bye. Le trou de la sécu, ah ouais. J'fourre mon nez dans un joli petit cul. Ah, il est con. Prout, prout, prout, ça pue sous la couverture. Ah, ça pue. Pour me protéger, j'enfonce ma clé dans la serrure. Ouais. Ouais. Margarine et cantal, une tue en luxe, une tartine.